Salut les accros, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Rétro Gamer FQ. Et Marie-Lune. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 12 novembre 2012. Nous sommes la radio officielle de Catwoman. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, toi? Oui, je vais bien. Et également de Poison Ivy. C'est qui? Poison Ivy? Non, c'est pas toi qui fais Poison Ivy. Elle est pas là aujourd'hui. M'a fait. Oh, non, pas fait. Pas là aujourd'hui. Comment ça va? Un bit pissed off, mais un peu fatigué, mais content d'être ici. Ben, qu'est-ce que t'as fait pour être fatigué de même? Travailler. Une grosse critique entre-temps. Puis, est-ce que j'ai mentionné que j'ai travaillé? Oui, ça te l'a que t'as dit, t'as mentionné ça? Moi, je pense que oui. J'ai travaillé, oui. Bah, ok, je suis pas sûr, là. Pas sûr, mon avis. Je parle à la notion du temps des fois, d'une fois de temps en temps, fait que. C'est ce qui arrive, hein, quand. J'ai dit que j'avais travaillé. Je pense que oui. Ok, c'est bon. Pas d'autre chose. À part ça, toi, Rétro, quoi de neuf? Je suis en plein dans les calendars, fait que je passe beaucoup de temps là-dessus. Mm-hmm. Puis d'autres vidéos là, que je suis en train de faire, là, j'ai déjà des choses de prêt. Toi, Marilyn, quoi de neuf? Un peu comme un stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de travail. Une nouvelle petite bébelle depuis une semaine et demie que je suis très, très, très, très, très contente d'avoir. Entre autres. De quoi tu parles? Je parle de mon bébé iPhone 4S. Je pense que tu viens de te faire un ennemi, hein? Qui? Rétro. Oh, chacun ses Non, c'est juste que je connais Rétro et son amour imperpétuel de Samsung. Et de Apple, voyons. Lui c'est un de ceux qui croient vraiment qu'il y a un mariage possible entre Samsung et Apple. Ah hein? Oui, Martin. Hein? Tellement, hein? Ah oui. Je pense plus que c'est ouais, Apple qui a la chance de l'acheter à Samsung. Je pense qu'il... Ça m'étonnerait. Non, mais tu m'as aussi, là, mais... sait-on jamais? Hey, ça a l'air que c'est Toshiba... c'est pas Toshiba, c'est... Sharps qui sont en difficulté financière ces temps-ci. Oui. Ah, oui, j'en parlais aussi. Mettons que ça fait comme... Ah, oh! J'ai eu des télés de Sharp quand j'étais jeune. J'étais comme... Ça semble que c'était une bonne marque, là. En tout cas, ça a pas... Ben oui, C'est très respectable comme marque. Mm-hmm. Ben, mais ça, c'est comme si ton histoire que tu as publiée sur le forum de Silicon Knight. Oui, hey, écoutez. C'est stiff. C'est quelque chose, mais tu sais. C'est rough. C'est rough, oui, mais tu sais, c'est normal. Ils ont quand même volé du code. Pour dire ça. Ouais, mais en même temps, Silicon Knight, ils font pas vraiment des bons jeux, à mon avis. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je me dis, pour un collectionneur, il peut peut-être essayer d'aller les acheter tout de suite. Oui, ça va avoir une grande valeur. C'était quand même des avoir avant qu'ils enlèvent. Là. Oui, effectivement, ça va paraître dans ta collection après pour ce qui est de la valeur. Tu vas pouvoir vendre ça facilement sur eBay, emballer tout ça. Ouais, on se le cachera pas. Non. Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous jouez ces temps-ci? Je vais commencer avec Antithèse. De mon côté, c'est. Pour mon côté, j'ai un petit peu seul. J'ai malheureusement un peu détesté les jeux vidéo. C'est surtout du Mario Party avec ma copine. Dans le mood d'avoir fait Other M, j'ai rejoué à Other M hier 2 heures de temps. Oh! Ah, oui, je me suis risqué. Sans compter que sinon, bah, c'est l'habituel les jeux de DS, sauf aussi Mario Party ou les jeux Shantae. Je vais rentrer très tranquillement à Shantae parce que j'aime Shantae. Ça profiter de mon temps. Shantae! Puis t'as vu mon post sur le troisième? Oui! Ça. Ouais, by the way, j'ai pas suivi ça. Rétro sur Kickstarter, est-ce que Risky's Revenge, est-ce qu'il avance bien? Kickstarter? Tu veux dire Green Light? Greenlight, excuse-moi, Greenlight. Ouais, j'ai pas checké la nouvelle là-dessus. Mais j'imagine que oui, s'il planifie de faire un troisième jeu. Nice. Je vais aller regarder rapidement, mais il me semble que j'avais vu des nouvelles comme quoi que ça a été accepté. Ouais. Il me semble que ça avait passé. Il me semble aussi, c'est pour ça. Je l'ai assez poussé pour que le monde aille voter. Ouais, mais mettons que c'est en faux pas mal un petit peu plus que juste notre gang de. Non, mais on a fait notre part. Oui, on a fait notre part. Ouais, c'est ça. Avez-vous vu le jeu Sang-Froid? Non. Ouais. Oui, c'est un jeu québécois qui va skier sur Steam Greenlight. C'est une compagnie québécoise qui a fait un jeu, c'est comme un Tower Defense. OK. C'est avec une histoire vraiment typique québécoise. Donc, c'est deux frères qui doivent protéger leur sœur du diable. Le diable, il envoie des loups-garous, des créatures fantastiques du Québec, pour essayer de capturer la sœur. Puis le premier frère, le jour, il installe des pièges. C'est genre, il est super intelligent, mais il est pas bien fort pantoute. Fait que lui, il installe des pièges, comme par exemple des trappes à ours, des croix pour essayer de se défendre contre le diable. Puis le soir, c'est l'autre frère qui embarque avec son gun, puis il enclenche et il combat les loups-garous tout en essayant de les faire rentrer dans des trappes. Ça doit être très très intéressant. Il est en ce moment sur Greenlight. Je sais pas où est-ce qu'il est rendu, mais il est quand même assez haut dans les votes. Okay. Mmh. Ça doit être un très bon jeu, sérieusement. Ça a l'air vraiment intéressant. Si vous aimez, puis en plus c'est Brian Perrault, le créateur de Amas d'Aragon, et Wari Wolf qui a écrit l'histoire. Oh, cool. Mmh. Mmh. Fait que là, je suis désolé, je suis en train de chercher Shante. Shante. Shante. Puis le premier Game Boy, le jeu de Game Boy Color va sortir sur le 3DS Shop d'ici la fin de l'année, parce que j'ai su. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Mm-hmm. En ce moment, il est... Très bonne nouvelle, parce qu'il est... Il est pas achetable. C'est ça. Alors, il est pas trouvable nulle part. La nouvelle la plus récente à propos de Shantae, c'est qu'il est dans les 5, dans le top 100 de Greenlight. OK. La dernière nouvelle qu'on a, c'est en date du 9 novembre, fait que ça paraît, ça a l'air très prometteur. De toute façon, la seule place où il est pas, c'est sur Steam pour l'instant. Ouais, j'avoue. Mais bon, on va leur souhaiter bonne chance pour la chance d'être sur Steam. Puis en même temps, ben regardez attentivement sans froid sur Steam. Moi, j'ai donné mon approbation. J'ai dit, ça me semble que ce serait un excellent jeu à jouer. Si vous aimez les Tower Defense, là, moi, j'ai très hâte d'y jouer. Là. Puis il y a une démo qui est là-dessus en vidéo. Puis ça a l'air vraiment complet là, comme jeu. Là. Sinon, à part ça, on est rendu à rétro, oui. Qu'est-ce que tu joues, toi, à part... est-ce que tu joues à chose? À part l'évidence. ben là, je joue une couple de jeux de Sega Genesis parce que je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup de reviews de jeux de Genesis. Fait que je me prépare un bon petit vidéo de Judge Dredd. Oh my God, non! Sur le Sega Genesis. Oh. Oh. Oui, c'est... Ouais, en tout cas, vous allez voir. Puis, évidemment, j'ai joué à une belle petite console de merde. Oui, Ben est au courant. Des petites consoles clones de Wii, là? Non, pas vraiment. C'est un genre de truc plug and play avec full de jeux par app, là. Okay. Puis, c'est assez affreux. Il faut avoir beaucoup de choses à dire, puis ça va prendre deux vidéos au moins, là. Puis qu'est-ce que j'ai joué aussi? J'ai joué une couple de jeux d'Atari aussi. Parce que j'ai trouvé de l'anthologie d'Activision pour Atari 2600. Ok. PlayStation? Non, c'est PC. J'ai pogné ça à 4$ dans un magasin. Ok. Ah, c'est bon ça? Ouais. Puis j'ai fait, pourquoi pas? Puis ça va me donner de l'opportunité de faire des reviews du jeu d'Atari encore plus. Fait que génial. Fait que j'ai joué à Plague Attack. Oh, nice! Je connais ça. Je jouais souvent ça quand j'étais. J'avais 3 ans. Un bon jeu de dentiste pour atterrir. Et que c'est en fait ma grand-mère devait me garder. Ouais. Et que c'était finalement l'atterrir qui me gardait. Excusez-moi, je suis revenu sur Terre, c'est beau. Pas de problème. À part ça, il n'y a pas d'autres jeux rétro? Des jeux rétro à part Genesis et etc. Mm-hmm. T'as-tu oublié des jeux récents également? Non, ben, le jeu récent, c'est pour Mars Calendar, là, pour l'instant. OK. Marie-Lune, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu joues ces temps-ci? Je suis coupable. J'ai délaissé ma 3DS vraiment beaucoup ces temps-ci. Non! Elle doit me bouder quelque part dans un coin de l'appart, là. Vilaine. Mais j'ai une bonne raison, encore une fois, en rapport avec mon iPhone, parce que je découvre les applications sur iPhone. Et je découvre des jeux sur iPhone. Bon, il y en a, j'en ai découvert des très mauvais, mais d'ailleurs, j'en cherche des nouveaux. Fait que si vous avez des petits jeux pas gratuits ou pas trop chers à me suggérer, dites-le sans problème. Mais il y en a deux, trois entre autres que j'ai découvert que je suis vraiment contente d'avoir découvert. C'est un grâce à l'émission Les Nerds, entre autres, la semaine passée. C'est Road Trip. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est Un jeu basé sur le film Road Trip ou non. Carrément un jeu qui s'appelle Road Trip. Oui, c'est un Québécois qui l'a conçu. Je ne sais pas le nom du gars, par exemple, je suis pas assez calée. Mais dans le fond, ton iPhone contrôle une voiture, puis il faut que tu fasses le plus grand nombre de kilométrages possible avec un seul plein d'essence dans le jeu. Et c'est assez drôle. Puis pour avoir plus de points, il faut que tu fasses des jumps, il faut que tu fasses des cascades assez monumentales. C'est assez drôle. Sinon, à part de ça, je suis sûre que toute personne qui connaît un fond connaît Tiny Tower. Oui, je suis accro à Tiny Tower. C'est un jeu très, très simpliste, mais trop addictif. Peux-tu nous en parler? Tiny Tower, dans le fond, c'est super pas compliqué. Il faut que tu construises une tour étage par étage. Il faut que tu t'arranges pour que qu'il y ait des appartements dedans. Il faut que tu arranges qu'il y ait des commerces à l'intérieur parce que tu veux que tes locataires aient des places pour travailler, pour te payer ton loyer, tout ça. Bref, tu peux faire, je pense, jusqu'à peu près 150 étages ou quelque chose de même. Je suis jamais rendu là. Mais wow, ça... quand même. Non, ça prend quand même du temps. On veut pas, là. Mais c'est ça, ça prend beaucoup de logistique. Je me suis rendu compte la première fois que j'ai joué, j'ai même recommencé mon building, parce que je me suis rendu compte que ça marchait pas. Pendant toute mon affaire, ça prend une logistique à quelque part aussi pour vraiment bien gérer toutes tes affaires. C'est quand même assez le fun, mais sinon j'en ai trouvé un qui est très très rigolo, ça s'appelle Lep's World. C'est un rip-off un peu de Mario Bros. Mais à la place d'être un plombier qui se promène dans ces mondes, ben c'est un... comment je pourrais dire ça? C'est pas un playboy, c'est pas... Non! Pas un gigolo, parce que je suis proche. C'est une sorte de lutin. Un lutin. Un lutin. Ouais, me semble qu'elle a raison. J'ai déjà vu des screenshots de ce qu'elle parle. Ouais. C'est très, très, très drôle. Ça ressemble... Le monde vraiment ressemble vraiment à Mario Bros. Mais c'est vraiment... C'est comme un petit lutin un peu... Comment je pourrais dire ça? Le petit lutin Lucky Charm, mettons. Ça ressemble à lui, là. Qui se promène. Puis c'est assez drôle comment il réagit à cet environnement-là. C'est très rigolo. C'est pas les jeux les plus complexes du monde, je veux pas, c'est quand même des applications gratuites sur Internet, on s'entend, là. Mais... c'est le fun. Ouais, mais c'est le fun. Ça passe... C'est ça l'important. Ouais, ça passe le temps. Puis sinon, ben sur des consoles normales, si je lâche mon iPhone, je dirais que le seul jeu que j'ai vraiment joué, que j'ai vraiment du fun à jouer ces temps-ci, c'est vraiment Just Dance 4. Que j'ai vraiment du fun, puis je m'amuse vraiment beaucoup avec. Puis c'est pas mal ça, ça fait pas mal le tour de ce que je joue. Est-ce que je peux te suggérer des jeux sur iPhone? Bien sûr. Écoute, il y aurait sûrement Fruit Ninja qui pourrait te plaire, qui est pas très cher. Mm-hmm. Puis, ça c'est un petit peu plus un coup de cœur personnel. J'en ai fait la critique parmi mes premières vidéos, The Seven Guests. The Seven Guests est disponible pour 5$ sur le Apple Store. Disponible pour iPhone et iPad. Ben, merci beaucoup. Seven Guests, toi qui aimes, tout comme moi, les professeurs Layton, tu devrais aussi également aimer Seven Guests à ce moment-là. Ah, ben, merci beaucoup, Antithèse. C'est sûr que ça fait pas longtemps que je l'ai. Je pense que ça fait une semaine, même pas une semaine et demie que j'ai mon iPhone. Fait que c'est sûr que je connais pas vraiment toutes les applications qui existent sur la Terre. Là. Et merci beaucoup. De rien. Alors, moi, de mon côté, je me suis procuré finalement le PlayStation Plus. Ouais. J'en ai pris pour 3 mois, donc à 18$. Et ce qui m'a incité à le prendre, c'est que Double Dragon était gratuit quand tu l'avais. Cool. Fait que Double Dragon Neo? Oui, Neon. Neon, excuse-moi. Alors, Ah, y a pas de problème. Alors, non, c'est ça. Je trouvais être comme, ah, nice, tu sais, j'ai plein de jeux gratuits, je vais essayer. Puis, donc, je suis quand même satisfait quand même pour le service. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça donne plus tard. J'espère qu'ils vont donner des meilleurs jeux qui s'en viennent, là. Je sais qu'en ce moment, ils donnaient Resident Evil 5 gratuit. Ouais, si je peux le dire. Je pense que c'est en vigueur jusqu'à demain ou après-demain. Je suis pas au courant, mais moi, je l'ai déjà, fait que ça me dérange plus ou moins, là. Mais, en plus, je pense que c'est le Gold version. Oui, c'est le Gold version avec la mission séparée de Jill. C'est ça. Fait que, non, c'est cool. J'aime bien ça. Je joue beaucoup cet ancêtre à The Old Dragon Neon. Sinon, à part ça, ben, j'ai commencé à jouer. Je continue ma game de Batman Arkham Asylum. Asylum. Voyons, j'ai la misère aujourd'hui. Asylum. Ok, yes! Désolé. Désolé, je pense que je m'étais emmêlé dans ma langue pour ce qui est de le dire. Je pense qu'il y avait une voyelle ou deux. Oui, ça se peut. Alors, ouais, c'est ça, j'ai continué à jouer à ma game. Sinon, à part ça, ben, j'essaie de finir Assassin's Creed 2 pour une fois. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais bon, j'adore quand même ce jeu-là. Et sinon, ben, côté rétro, ben, je travaille en ce moment sur ma critique de The Hobbit pour PlayStation 2. Mm-hmm. Ouf. C'est dur. Ouais? C'est dur. Ah ouais, j'ai beaucoup de misère. Je suis d'habitude de faire des jeux bons, hein. Vous savez, la plupart de mes jeux, je donne trop quand même des bonnes notes. Et ça, celui-là, là, ouf, il me fait souffrir. Il me fait vraiment souffrir. Pauvre Ben. Pauvre petit. Mais le pire, c'est que, tu sais, des fois, tu rejoues un jeu il y a 5 ans à peu près, tu trouves, ah oui, il est bon, tu sais. Tu rejoues plus tard, c'est comme, ah, c'est de la merde! Ouais. C'est vraiment de la merde! Ah, je suis comme, ah, je suis déprimé. Sinon, à part ça, ben, je me suis payé 2 albums de musique de jeux vidéo. J'ai acheté, pour commencer, il y a 2 semaines, l'album d'Angèle Dubois. De quoi? Game Music. De Angèle Dubois. La violoniste, là. La grande violoniste québécoise, là. Ouais. Okay. J'ai essayé son album. Puis, c'est pas pire, mais je suis bien déçu. Pourquoi? Parce que elle, c'est pas un elle voit pas qu'un orchestre symphonique, hein. Elle est avec une couple de musiciens, je dirais à peu près une dizaine, mais c'est toutes des cordes puis t'as un piano. Fait que son éventail de musique, de sonorité dans son album, il est pas là. Mm. Tu sais, comme par exemple des sons graves, là, c'est le piano qui fait le son grave. C'est pas comme un tambour. Puis il y a des moments, comme par exemple dans Final Fantasy, elle a fait un medley de 12 minutes de Final Fantasy. Il est vraiment écœurant. Mais il manque beaucoup de grave. Écoute, elle m'a amené à faire la tourne de Sephiroth, puis tu fais comme. Non, il manque, tu sais, de la violence. Tu sais, Sephiroth, c'est violent comme chanson. Hein? Tu sais, ça rentre dedans. Mais non, elle c'est rien qu'avec le piano, puis les violons. Puis je trouvais ça comme. Non, t'étais bien, bien déçu. Ça a de l'air qu'elle va partir en tournée en plus. De ce que Denis Talbot le disait, j'espère qu'on va se traîner avec un orchestre avec au moins un tambour à quelque part. Ça sonne mieux, parce que sinon, si c'est juste de même, là, je vais être bien déçu. Sinon, pas ça, ma recommandation pour ce qui est des albums de musique, là, il y en a 2 qui sont sortis. Ça s'appelle The Greatest Video Game Music. C'est fait par l'Orchestre Symphonique de Londres. Philharmonique de Londres. Philharmonique de Londres, oui. Et les albums sont pas chers, c'est 7$ puis 8$. Je pense que tu peux trouver ça. C'est à ce prix-là, je pense, chez HMV ou partout? Moi, j'ai payé sur iTunes. iTunes, OK. Puis, vous avez 17-18 chansons dessus. Puis, c'est vraiment des gros classiques, comme par exemple Skyrim, Zelda, Final Fantasy VII, Chrono Trigger, le thème. Il y a même Luigi Mansion. Le thème d'ouverture de Diablo 3. Fait que, tu sais, c'est des tunes qu'on connaît. Puis, ils sont bien interprétés. La musique est très bonne. Sérieusement, c'est mon album préféré en ce moment dans mon iPod. Il se fait jouer à tour de bras. J'aime vraiment ces deux albums-là. Je garde. Angèle Dubois coûte 10$, puis j'ai été déçu. Tandis que ces deux albums-là ont coûté 8$ chaque. Puis je suis doublement satisfait. Bon. Il est où le bug, là? La qualité? Ben, même à ça, la qualité est bonne. Je la trouve meilleure avec l'Orchestre Philharmonique. Oui, Angèle Dubois, c'est une grande violoniste. J'ai rien à dire contre. Mais sérieusement, j'ai plus trippé à écouter la musique de Philharmonique. C'est ce que je voulais dire. Oh, oui, c'est ça. En tout cas, à mon avis personnel, là, si vous cherchez un album de musique, là, allez avec ces deux-là. Angèle Dubois, je pense que je lui laisse sa chance peut-être de faire un show ou deux, qu'elle voit un peu c'est quoi, avec les compositions plus tambour, avec des cuivres aussi, parce qu'il n'y a pas de cuivre dans son orchestre, puis ça paraît également dans certaines chansons. Non, tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de tune de Mario ni de Zelda. Étrangement. Ah. Étrangement. Alors, je sais pas si c'était un choix. Non, mais pourtant, il y a des tonnes de Zelda qui se font très bien au violon, j'imagine, là. Oui. Fait que, tu sais, regarde Lindsay Stirling, elle en fait, puis... Puis elle est en feu. Ah, puis elle te la torche. Elle torche Jean-Jacques Dubois. Ah! Ça, je peux te le dire. Elle se met à fond, cette jeune fille-là. C'est... Ah oui! Hallucinant. Hallucinant, puis elle a du plaisir à le faire. Angèle Dubois, là, je la regardais en entrevue à Denis Talbot, j'ai comme fait, OK, elle cherche une opportunité. C'est plate. Elle se cherchait un public. C'est plate, tout. Ça. Ouais. Mais bon. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre chose que j'ai joué. J'attends avec impatience. J'attends avec impatience les deals de Noël de Steam. Pour m'acheter plein de jeux. Comme tout le monde. Tout le monde. Puis c'est à peu près ça de mon bord. Est-ce que vous voulez introduire quelque chose avant qu'on commence les nouvelles? GOG.com fait un spécial 80% de rabais sur les jeux Telltale. Oh! Donc, c'est ce week-end. Ben, c'était ce week-end, malheureusement, vu que le podcast va être posté... À soir. Bon. Il finit en 4 heures. Fait que, bon, il a fait un spécial de 80%, mais ça revient souvent. Et puis, c'est souvent le même package de jeux, fait que ça va sûrement revenir bientôt. Là-dedans, t'avais Sam & Max, Beyond Time and Space, Sam & Max Save the World, Devil's Playhouse, Wallace & Gromit, Grand Adventures, Back to the Future, The Game, puis Tales of Monkey Island. Très, très bon deal. J'espère que ça va revenir, parce que sérieusement, c'est des jeux que... j'ai tellement eu de fun étant jeune à jouer. Puis je suis sûr que c'est le genre de jeu que Marilyn aimerait jouer. Probablement. Ouais. Toi, tu avais essayé le premier épisode de Back to the Future. Ouais. Sur PlayStation. Oui. Comment tu aimé ce genre de jeu-là? Ouais, c'est pas mal, je dirais. Ça fait très longtemps, donc je peux pas vraiment. Je me rappelle pas de tous les détails de ce type de jeu-là. Mais ouais, il faudrait que je m'y remette pour voir vraiment ça ressemble à quoi, puis voir si j'aimerais ça réellement, ouais. OK, on va regarder ça prochainement, on sait pas. Bon, on va embarquer les nouvelles. Ah oui? On a eu une belle surprise en fin de semaine. On a eu la bande-annonce du film The Angry Nerd. Yes! Ouais! Là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer avec Rétro, le plus grand tripeux du nerd de notre groupe. Ben moi, je l'ai vu avant tout le monde, parce que j'avais aidé à financer le film. Oh. Avec Swimming sur le net, donc j'ai pu le voir avant tout le monde. Comme probablement beaucoup de gens qui ont financé le film. Puis j'ai très hâte de voir ce film. Puis je suis content de voir que il y a certaines parties du film qui sont vraiment faites de films série B. Puis je pense que James a fait ça volontairement. Oui. Il y a des parties dans le film que ça fait vraiment série B, là, puis ça, c'est génial. Ouais, mais on s'entend aussi pour dire que James est un tripeux de série B. Oui, ça, c'est et sûr. Et même de série C et Z. Ouais, il est resté avec ses valeurs de cinématographique, puis ça, c'est génial. Et ça, malgré les accusations très lourdes récemment que c'était un vendu. Ah, oh ben là, écoute, le monde, ils diront ce qu'ils veulent. Quand le monde a du succès, ils chialent après ces gens-là. Fait que, c'est particulier aussi au Québec, là, en général. Oui, c'est ça, tu sais. C'est un autre sujet. Mais sérieusement, là-dessus, je pense que c'est une bonne opportunité qu'on puisse exprimer nos opinions. Il y a bien des gens, de ce que je veux parler, il y a bien des gens qui trouvent dégueulasse le fait que James ait gardé pour lui, dans le fond, son surplus budgétaire. De 130 000 $. Ben, c'est bien plate pour ces gens-là, mais moi, je trouve qu'ils le méritent. Ben, c'est justement, je veux dire, James a pas mis un gun dans la tente des gens pour dire « donne-moi ton cash ». C'était une contribution volontaire. Ben oui, mais on aurait pu arrêter d'en donner quand il a atteint son but, puis c'est pas ça qu'ils ont fait. Non, ils ont continué, même quand il a atteint son but, même quand il a pris la peine de remercier les gens, « merci pour vos dons », ben, gardons ça, il y a eu plus de dons. Ben oui, il y a eu... Les gens reconnaissent le travail de James. De toute façon, regarde, selon moi, il va quand même, il va le réinvestir pareil dans son stock. Il y a des fortes chances, mais ça, comme fait sur YouTube, sur, mais d'autres endroits, ça a quand même été l'apocalypse. Ah, James Accrosser, James Accrosser. Non! Je répète, puis là-dessus, je pense que Retro est d'accord avec moi, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Les gens l'ont fait volontairement. Ben oui, que les donneurs reconnaissent James, reconnaissent le travail de James. Ben oui. Puis tous ceux-là qui ont donné de l'argent, c'est des grands fans de James. Oh, puis ben, je pense pas qu'il y a aucun de ces fans-là qui voudrait avoir l'argent qu'il a eu donné en tout. Non. Puis de toute façon, on sait que ça va être déjà un investissement pour ben prochainement. Oui. Fait que, ben oui. On sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme projet également. Là. Puis autant qu'à un moment donné, peut-être que Game Trailer vont lâcher, mais lui, il va peut-être vouloir juste continuer à faire des vidéos. Là. Puis il veut pas juste faire du Angry Video Game Nerd, lui. Mais là, non. C'est un cinéaste, puis il veut faire d'autres sortes de films aussi. Il n'y a pas une KVGN dans la vie. Là. Non, ça c'est sûr. Avant d'être en VGN, James faisait beaucoup d'investissements sur des mini-films. Il a même fait des films pour des concours. Il participe régulièrement au concours de films à Philadelphie. Mm-hmm. Alors, il y a eu le problème. Mais de mon côté, en tout cas. Le problème, c'est parce qu'il y a du monde qui pense qu'il aurait dû investir plus dans son film avec cet argent-là. Mais regarde. Mais si elle n'avait pas besoin. C'est correct, là. Merci. Toi, Reto, qu'est-ce que tu en penses de cette bande-annonce-là? Ben, comme je l'ai dit. Ok, excuse. C'est moi, j'ai déjà fait ma part là-dessus. C'était mon erreur. Anti-thèse, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette bande-annonce? Moi, malheureusement, c'est comme ton podcast. Écoutez, voici la vérité. J'ai tellement investi de mes 2 à 3 dernières semaines sur Metroid Other M que c'est pour ça que j'ai pas vu la planète a arrêté pour toi. Comment t'as dit? La planète a arrêté pour toi. J'ai pas compris. J'ai dit la planète elle a pas arrêté pour toi. Je veux pas qu'elle arrête pour moi. Dans ces moments-là, je veux qu'elle m'oublie. Sérieusement, mais remarquez, c'était sérieux. C'est pour ça une raison pourquoi j'ai pas vu la critique de l'épée légendaire. J'ai ni vu et ni suivi les updates de James. Et ce que je veux te dire, c'est que j'ai pas vu le trailer de James. Écoute, je vais faire un défi. Vous pouvez mettre dans le chantier. Ok, non, je vais pas de chantier. Je vais plutôt te mettre tout de suite en action. Ok? Tu te mets sur mute le temps que moi et Marie on parle de la bande-annonce et tu nous reviens et tu nous donnes ton avis. Ok. C'est un deal. OK? OK. OK, fait que fais ça tout de suite. Bon, Harry, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce-là? Moi, j'ai jamais été, pas nécessairement une fan, mais tu sais, j'ai pas nécessairement suivi James vraiment du début jusqu'à la fin. Jusqu'à présentement dans ce qu'il a fait. Par contre, j'ai trouvé la bande-annonce très accrocheuse. Elle me donne le goût d'aller voir le film. Moi, une bande-annonce qui me donne le goût de voir le film, elle a fait sa job. C'est du pur Angry Video Game Nerd. Je trouve qu'on le sent un petit peu dépassé par les événements avec ce qui se passe dans la bande-annonce. Je ne donnerai pas de punch à aller voir la bande-annonce. Mais sérieusement, ça a l'air vraiment, vraiment très bien comme film de cette façon-là. Ben, regarde, Marie, ce qu'on va faire, on va le dire tout de suite au monde, là, pendant qu'Antithèse est en train d'écouter, puis que vous, si vous l'avez pas vu la bande-annonce, vous arrêtez le podcast genre là, puis vous venez nous voir après avoir écouté cette bande-annonce-là. Je pense que c'est la chose la plus facile qu'on peut faire pour vous. Mettez sur pause, allez voir, et après ça, on en parle. Là, on va vraiment parler de la bande-annonce. Fait que Marie, qu'est-ce que tu as trouvé de drôle dans cette bande-annonce-là? Ce que j'ai trouvé drôle, c'est toutes les situations bizarres dans lesquelles il semble se mettre, Angry Video Game Nerd. On dirait qu'il réalise pas dans quoi il s'embarque. On voit pas tout. C'est sûr qu'on verra pas tout ce que dans le film, dans une bande-annonce, bien sûr. Mais je sais pas. Moi, ça m'a laissé sur un sentiment, un point d'interrogation à la fin. Ça m'a donné le goût d'en voir plus. Moi, c'est vraiment ce que j'en pense présentement. Moi, je dirais de mon côté, moi tout, la bande-annonce m'a accroché. Je ne m'attendais pas. Je t'avouerais que la première fois que James parlait du film, il disait que ça allait ressembler un petit peu à un Wells World. Je sais pas si tu t'en souviens, Retro. C'est ouais, quand ouais, on avait parlé. Ouais. Puis j'ai fait comme, ok, comment tu veux-tu mettre Angry Nerd à Wayne's World? J'avais vraiment beaucoup de misère. C'est facile quand on a de l'air. Tu peux parler d'intervention pendant que je recherche encore pour le trailer. C'est beaucoup plus facile que ça en a de l'air. Ah oui? Oui. Pourquoi tu dis laisse, ça? Laisse les choses aller, laisse les choses aller, puis tu vas comprendre. Pense-y. Angry Nerd, c'est quand même un gars qui fait de la comédie. Ouais. Effectivement. Il veut pas, ben Wayne's World, c'est un film qui va aussi permettre de casser le quatrième mur. Oui. James Rolfe, il s'adresse quand même au public. Fait qu'il, déjà, en partant, il casse le quatrième mur. Mm-hmm. Même dans ses critiques, mais lui, c'est parce que c'est fait de même. Il faut qu'il le fasse, tu sais. Oui, faut qu'il le fasse. Faut qu'il approuve qu'il parle à un public. Oui. Fait que là, tu refermes ça et tu cherches, OK? Il est sur cinemassacre.com. Je suis dessus. OK. Fait que là, je vais essayer de filer le trou, là. Bon. oui, t'sais, moi, c'est ça. C'est vraiment l'impression qu'il m'a donné, c'est qu'il va réussir à ce point-là de Wayne's World, de faire un road trip dans un sens aussi. Mais également, comme tu disais, Rétro, c'est clin d'œil au cinéma de série B. Ils sont présents, puis c'est drôle. Je pense, par exemple, au méchant du film, qui est une sorte de général qui est en tank. Ouais. Puis qu'à un moment donné, il a un bras arraché. On sait pas pourquoi, mais tu sais, ça se voit que c'est mal fait, mais c'est drôle. Mais c'est voulu. C'est vraiment ça. Voulu de même. Et je suis sûr qu'il y a du monde qui vont chialer. C'est mal fait. Mais c'est fait de même. Mais oui, c'est voulu. Fait que tu sais, j'ai comme fait, ok, c'est bizarre, mais non, il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve que c'est parfait, ça fait. La chose qui m'a comme rendu bizarre, c'est que ses assistants, il est rendu avec des deux assistants. Un caméraman noir, puis une sorte de fille qui a un backstory avec elle. Là, je suis comme, ok, j'ai hâte de savoir c'est qui eux autres, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elles font dans la vie, qu'est-ce qu'ils font eux autres dans la vie. Puis aussi, je me demande qu'est-ce qui va se passer. On risque-tu de voir le Carl Justin qui va apparaître à quelque part à un moment donné? Il devrait être là, me semble. Il devrait être là, tu sais, c'est son guitar man. Ou encore si on va voir That Guy, parce qu'on le voit pas dans la bande-annonce non plus, That Guy with the Glasses. Ben, selon moi, il va être présent. Il va faire un caméo. Là. Selon moi, si James était assez fin de venir trois fois, ben, ça, si That Guy. Qui ça? Doug Walker. Ah, oh, non, oublie ça, il sera pas là. Ben, c'est quand même lui qui s'est occupé du casting. Ouais, mais il sera pas dans le film, à part peut-être un caméo dans le background. C'est ce que je m'attends. Mais je m'attends que ce soit un caméo, mais qu'on le soit, qu'il soit visible, mais qu'il soit pas vita aeternam, là. Parce que, bon, je pense pas qu'ils vont se rendre comme la finale de Nostalgia Critic, parce que le critique disparaît point. Je viens de vous dire un spoiler en passant. mais, tu sais, vu que le nerd était là pour la grande finale, je sais pas trop si ça va être ça aussi. Mais bon. Tu penses qu'il ferait un échange? Je pense que ce serait juste un échange de caméos, là, parce que veux pas. James était là dans tous les films de Doug, fait que je m'attendrais à ce qu'il fasse un caméo pareil. Là. Est-ce que tu as eu le temps de le finir? Ben, j'étais prêt à le finir, puis j'étais prêt à regaffer, mais à part de tout ça, c'est correct. Oh, ok. Tu as recherché une boîte de Kleenex, mon ami. j'ai juste pas aimé les dernières 5 secondes. Ça, je trouve ça. Non, ça vient de me couper l'orgasme. Comment ça? Ce sont les 5 dernières secondes du film. Du trailer. Tu m'as rappelé c'est quoi? Non, parce que je veux que les gens aillent le voir. Ouais, mais là, le monde, normalement, je leur ai dit de fermer le podcast. Et on peut le dire, là, c'est parce que techniquement, ils sont supposés aller le voir. C'est la passe où il faut mis sur le monde. C'est ça, il vomit sa fille. Avec du stuff vert qui rappelle un peu un certain film. Ouais. Ben bon. Plusieurs films, en fait. Ouais, plusieurs films, ouais. Si ça a une raison, tu sais, je veux dire, tant qu'il y a une toute chose est bonne à voir, s'il y a une bonne raison. Fait que, ouais, c'est vrai. S'il vient de bouffer quelque chose qui le rend malade, puis il faut qu'il vomisse, ben, that's it, tant mieux. Ben, tu sais, on va voir au courant du film, là, mais moi. C'est du AVGN tout craché, là. Oui. ça me donne pareil le goût de le commander. Comme les films de Dark Maze Studios, puis les mini-films par Extract Studio, Extract qui a fait PBC, mm-hmm. Les PBC qui est Little Miss, entre autres Little Miss Gamer. Ouais. Par exemple? Il donne le goût. Il donne le goût, sérieusement. Le film du RVGN, il donne le goût. Rétro, toi, je pense que ce qu'il disait, c'est que ce film-là allait se promener juste de festival en festival jusqu'à temps qu'il y ait une sortie DVD. Moi, je pense que oui. Il n'y a aucune nouvelle pour nous autres encore pour moi. Non, mais je suis capable d'attendre. J'ai attendu longtemps, fait que je vais encore attendre. Et voilà. Ben, si jamais vous voulez aider ce petit film-là, au pire, envoyez un petit message au gars de Fantasia pour l'édition prochaine. On ne sait jamais. Alors, peut-être qu'il va être présent en salle au Québec. peut-être à travers en domaine, on sait pas. Ah, peut-être. Prochaine nouvelle, ben je sais pas si vous vous souvenez de ma critique de Doom 3. Je voulais juste t'en parler. Oui. Peux-tu t'enquêter là, élaborer des précisions sur pourquoi tu ne recommandes pas le BFF Edition qui est sorti récemment? J'ai pas précisé le BFF Edition parce que j'ai pas joué. D'accord. Et la seule chose que je trouvais dommage dans le temps, mais ça vient en lien avec ma critique, c'est que la gang de 2K Games, la licence de Doom, ont tiré le Doom 3 de Steam, l'original. Parce que. Ouais, c'est ça. T'as raison, par exemple, que tout ce que le BFG Edition offre, ben, tu peux l'avoir en patch puis en retouche puis tout ça. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont décidé de le couper. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai voulu revendiquer dans ma critique. C'est que je trouvais ça chien qu'ils n'aient pas laissé le jeu pareil, tu sais. Mais. Ben c'est ça, il y a un manque d'authenticité à ce moment-là, effectivement. Ça. Mais ils ont écouté leurs fans, puis ils l'ont remis le jeu sur Steam à date d'aujourd'hui. Alors, ah oui, il y avait la chienne. Il y avait trois chiennes. Excusez. Dans un sens, ce que je trouvais plate avec BFG Edition, c'était vraiment juste une passe de cash. Parce que toutes les choses qu'il y avait à corriger ont déjà été corrigées par du monde. Fait que, tu sais, c'était comme... C'était vraiment une passe de cash qui pouvait se faire. Puis c'est ça que je trouvais plate, là. Puis ça n'a pas changé en rien, le jeu, là. Tu sais, les méchants sont pas aussi intelligents qu'ils étaient auparavant. Les tactiques de combat sont pas aussi différentes. Moi, j'attends juste le Doom 4, finalement. Moi, je veux voir Doom 4 avant de voir une autre update de Doom 3, là. En tout cas, moi, c'est mon avis à moi, là. Doom 4, hein? Oui. Je veux voir un Doom 4, mais bien fait. Vraiment que toutes les choses qui se font en ce moment dans le jeu vidéo, dans les FPS, soient présentes. C'est pas faire comme dans Duke Nukem Forever. Non. Ça n'a jamais existé. Ah, parfait. Ça bon deal. Existé. C'est un très bon deal. OK? Oui, entendu. Bon. Prochaine nouvelle, ça va faire plaisir à Shadix, même si j'ai certains doutes. Par rapport au film d'Assassin's Creed, selon un boss de Ubisoft qui s'appelle Geoffroy Sardin, il semblerait qu'il a lâché une petite phrase anodine qui pourrait dire, disant comme quoi que ça pourrait que le film soit qu'un film arriverait d'ici l'année 2013. D'ici 2013, non. C'est ça qui met en fait comme non, ça se peut pas. C'est la nouvelle sur jeu.com, puis j'ai fait comme non, ça se peut pas là. Ben trop de bonheur. Ben trop bonheur, le scénario, je suis pas sûr qu'il soit complété. Le financement est pas fait. T'as un petit peu de casting de fait, c'est tout, là. Tu sais, t'as ton héros, point, là. Non, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui se peut pas techniquement. Non. À moins peut-être qu'il parle d'un dessin animé qui est déjà en préparation depuis longtemps. Ouais, ça se peut, ouais. Bref, c'est ça. Ou une vidéo en 3 en CGI, etc. Ouais. Mal d'accord avec toi. Sinon. Par ça, prochaine nouvelle, pour ceux qui vont essayer de chercher Wii U quand ça va sortir. Moi qui vais accompagner mon ami dimanche qui s'en vient au eBay Games justement. Alors, comme vous savez, on va pouvoir vous donner des nouvelles lundi. Très très important, lorsque vous allez chercher votre Wii U, la rétrocompatibilité, elle n'est pas présente lorsque vous l'achetez. Mm-hmm. Faut updater la console. Ça, dès que vous allez le recevoir chez vous, vous allez l'installer, vous allez brancher sur la Wii sur Internet, vous allez charger la patch qui va permettre de pouvoir jouer les jeux de Wii normal. Je trouvais ça, ben, ça... C'est la même technique qu'ils ont utilisée avec la Xbox 360. J'espère juste pas que ça va faire comme la Xbox 360 et certains jeux d'Xbox qui ne marchaient pas. Donc, j'espère que c'est une rétrocompatibilité à 100%. Sinon, je vais trouver ça plate. Ça devrait. C'est le squat. Ils ont fait des tests également sur l'autonomie du pad tactile de la Wii U récemment. Puis ça a l'air qu'en ce moment, la batterie du pad et de l'écran s'épuise après seulement 5 heures de jeu pour un téléchargement de 2 heures et demie. Ouch! Ça sent la 3DS, ça. Vous trouvez pas? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup. Moi, je... Nintendo. Tu sais, je veux dire, quand tu veux... Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup à... Tu sais, je veux dire, je peux passer quasiment des 3 heures. Fait tu sais, ça me tenterait pas d'aller... Ah, oh, fuck, faut que j'aille brancher la manette à sa console, tu sais. Ben, tu sais, pour avoir une rallonge de direct en partant. Ouais. Alors. En tout cas, à mon avis, là, c'est comme... OK, je pense qu'il aurait peut-être pu essayer de s'arranger pour faire une batterie un petit peu plus longue. Au moins 8 heures, ça aurait été possible. Ben oui. Obligé d'aller charger à chaque fois que tu finis de jouer. Après, la prochaine nouvelle, pour les amateurs de Diablo 3, Blizzard nous a annoncé qu'il y aura une expansion qui devrait sortir dans les prochaines années. Je préfère mieux dire ça que le prochain mois. Oui, c'est une belle façon de voir la chose. Blizzard, ça prend du temps. Hein? C'est correct, c'est correct. Encore, ça va être l'histoire, pas de nouvelle encore. La seule chose qui nous parle un peu, c'est de comme quoi que ça pourrait. Ça va peut-être sortir plus tôt que prévu. Nouvelle, quand est-ce que ça va permettre de. La date de sortie finalement. Mais bon, ça va peut-être un petit coup à Diablo 3. Je sais pas si les ventes ont stagné ou quoi que ce soit. Là. Mais bon, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si vous connaissez le jeu 3. Désolé pour cette petite interruption, mes amis. Un petit problème de micro de mon côté. Alors, si vous avez entendu un petit peu saccadé, c'est un petit peu normal, c'est mon erreur. Mais on va reprendre la nouvelle par rapport à Pure Solar, qui est un jeu qui est sorti en fin 2010 pour la Genesis ou la Mega Drive pour nos amis, nos cousins français. Eh bien, il y a tellement de joueurs qui aimeraient jouer sur plusieurs consoles différentes qu'il y a un projet Kickstarter de Pure Solar qui vient d'apparaître. Puis ils veulent créer des. Ils veulent permettre de modifier ce jeu-là pour qu'il soit joué sur PC, Mac, Linux, Xbox 360 et attendez la dernière console, la Dreamcast. Oh my god! Alors il y aurait un vrai RPG, un nouveau RPG qui sortirait sur Dreamcast. Eh oui. C'est Ben Zach qui serait content. HD. Ça serait génial. C'est Ben Zach qui serait content. Mm-hmm. Alors, j'espère que il faut qu'il ramasse 139 000 $ d'ici le 5 décembre. Mais si vous cherchez un bon RPG, ça vaut peut-être vraiment la peine que vous investissiez dans ce jeu-là pour une version Xbox 360. C'est 15 $ pour la copie du jeu, un code finalement pour avoir le jeu sur Xbox. Fait que, si vous aimez les RPG, pourquoi pas investir 15 $ là-dedans? Vous autres, est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu-là? Non. Non plus. Malheureusement. J'ai jamais été capable de pouvoir m'acheter une copie. Il ne restait jamais quand j'arrivais pour l'acheter. Ah! Oh. Alors, on va espérer de voir ce jeu-là arriver. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, à part ça, écoutez, juste pour une petite nouvelle par rapport au Mini Comic Con de Montréal. Ouais. Et alors, il y a un Mini Comic Con de Montréal qui va être le 8 décembre 2012 qui va avoir lieu au Palais Congrès. Comme la édition du Comic-Con de Montréal. Alors, il va y avoir une centaine d'exposants qui vont être présents. Il va y avoir des artistes québécois. Il va y avoir l'acteur Sean Baecho qui a fait une voix du héros de Assassin's Creed 2, de Enzo. Fait qu'il va être présent. Fait que si jamais vous voulez faire autographier un petit Enzo en plastique, j'entends en ce moment notre cher Shady qui est en train de crier « Je le veux! Je le veux! » Excusez-moi. j'imagine tellement. Ça coûterait 5 $ pour entrer là. C'est de 11h à 18h. Moi, je vais y être. PL, je sais pas si toi, tu vas être présent. Trinity m'en a parlé, puis il y a des fortes chances. Marilyn, est-ce que tu vas être présente? C'est sûr que je vais être là, voyons donc. Ben oui. On va célébrer notre anniversaire de rencontre. Ben et Marilyn, le 8 décembre au Comic-Con. C'était-tu en hiver ou en été? C'est en hiver, c'était le 5 décembre du Comic-Con de l'an dernier, la première fois qu'on s'est vu. Ah oui, c'est vrai. Oui, on s'est vu avec JP Cardin, je pense. Excuse-moi? On avait vu J.P. Cardin, je pense. On a vu J.P. Cardin, oui. Oui. Alors, si jamais vous voulez être présent et vous voulez venir nous voir, go for it. Hein? Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Puis avertissez-nous d'avance, parce que comme ça, on va pouvoir vraiment vous dire, OK, on se rejoint à telle heure, telle place. Oui. On va s'arranger pour être là. L'année passée, j'ai eu du monde qui voulait essayer de nous voir, puis ça n'a pas marché. Puis malheureusement, on aurait vraiment aimé ça vous voir. Mais bon, c'est pas grave. Fait que, on va juste s'arranger pour la prochaine fois. Si vous voulez venir à cette édition-ci du Mini Comic Con, ben on va s'arranger pour se voir toute la gang des acteurs. Fait que c'est fini le tour pour mes nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles, vous autres, de votre côté? Non, pas spécialement. Malheureusement, j'en ai pas moi non plus. Alors, là-dessus, on va faire une petite pause, histoire de se ravitailler côté eau, bière ou limonade ou toutes sortes de boissons exotiques, autant l'une de l'autre. Et on l'eau! De l'eau! Et on revient après la pause. Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier des podcasts, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez les accros des jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les accros des jeux, le top 1 podcast avec un squelette pis une manette de NES dans le logo. Retour les accros. Avec Poison Ivy. Sérieux, là, vous devriez écrire un sketch pour chaque podcast que vous faites. Ah ouais? Pourquoi? Je suis sûr que ça serait demandé en plus, sérieusement. Sérieusement, vous faites un sketch, les deux, ou vous faites des jokes ou quoi que ce soit, là, je suis sûr que ça pogne. Mais nous autres, ce qu'il faut faire, c'est un vidéo ensemble. Oui, ça c'est certain, mais t'as-tu vu, comme moi j'ai fait le podcast avec l'épée légendaire, on faisait tout ça sur Hangout. Non, mais... Google Hangout. Moi, je parle avec Antithèse physiquement. Là. Ah, ok, ouais, mais ça va. Faut faire un script, whatever, sur ta patente. Faudrait s'arranger pour faire qu'on se rejoigne à une place X puis qu'on le fasse, là. Donc, faudrait quasiment qu'on se trouve. Faudrait qu'on aille à Trois-Rivières. Pour qu'on soit tous réunis, là. Dans une chambre d'hôtel. Oh, t'as pas. Avec un peu de man et Poison Ivy. T'as pas vu encore la nouvelle à Radio-Canada par rapport au. Aux les chambres d'hôtel qui sont à Trois-Rivières? Non, partout, dégueulasse. Non. Ça a l'air que les 5 étoiles, autant qu'il y a une étoile, là, ça c'est autant rempli de bébites. Ouais, oui. Mais écoute, ça me surprend pas. Je vais faire une petite parenthèse ici. Là. Oh, ouais. Ma fin de semaine de négociation de convention collective. On est arrivé dans la pièce où on allait s'asseoir. Et puis, du côté patronal, j'ai comme fait le tour pour se faire la main du monde. Puis, il y avait une toile d'araignée qui m'est arrivée d'en face. Ah, c'est intéressant, ça! Non! Ouais. Puis, en plus, la salle, ça sentait les vidanges. Puis, ça n'avait pas été nettoyé depuis je sais pas combien d'années. C'était le ministère du Travail qui louait cette place-là. Puis, je peux dire qu'il était pas content, ça. Non, c'est clair. J'avoue, hein? Ça faisait assez pitié. Oui, pas mal. Ouh. Eh ben. Juste pour vous dire, les accros, petite annonce par rapport au podcast des accros de l'anime. Pour ce qui est de l'édition de Volt, il va être déplacé ultérieurement parce que nous avons des engagements par rapport avec Télétoon, parce qu'on va être invité au 500e de presse du 500e épisode des Simpsons. Wouhou! Alors, oh yes. Oui, alors Antithèse, Marilyn et moi, on va être présents à Télétoon. On va rencontrer le vrai Homer Simpson. Et malheureusement, c'est pas Monsieur Hubert Gagnon qu'on va rencontrer. Hubert Gagnon? Non, je suis pas des bourbings. Mais c'est ça, on va quand même rencontrer la mascotte. Et je travaille en ce moment pour avoir une entrevue avec Hubert Gagnon pour le podcast des accros de l'anime. Alors. Ben oui. Ça serait bien, ça. Alors, c'est ça. Ça va être déplacé ultérieurement. Je peux pas vous dire quand est-ce que l'édition Vol va apparaître. Peut-être au mois de janvier, parce que au mois de décembre, on a des cartoons de Noël à l'écouter. On a beaucoup de cartoons de Noël à l'écouter. Si je peux faire un spoiler de mon côté, j'ai une proposition d'un fan des accros. OK. Et je sais qu'il nous écoute religieusement et je vais... Et fidèle à ma parole, cher accro, je vais te contacter pour te donner mon adresse pour que tu puisses m'envoyer ton calvaire. Tant que tu ne nous envoies pas mon petit poney. Comment? Tant que tu ne m'envoies pas le petit poney. Non. C'est, le fan va m'envoyer ça à moi. Ah, ok. Parce qu'entre autres, il a peur d'en mettre un de nous dans la marde. Alors, je ne pas pour être pogné pour partir après, là, hein? Tellement ça va être mauvais, là. On se souvient de Just Player, hein? De quoi tu parles? On se souvient tout de Just Player. Il nous manque. Rétro? Oui. Ça ne dit pas quelque chose, ça, de ce qu'il vient de dire? Ouais, chut. Une petite rumeur, là. C'est ça. C'est ça. Alors, l'édition d'aujourd'hui du podcast, on va parler de Wreck-It Ralph ou Les Mondes de Ralph, film produit par Disney et créé par Disney également, qui met en vedette la version québécoise Philippe Laprise et M. Benoît Brière. Vous l'avez écouté en français ou en anglais? En français. En français. En français parce que c'est ça. J'habite à Québec et puis les films en anglais sont rares. Il n'y a pas de cinéma anglais dans ton coin, c'est vrai. Et non. Mais ça me dérange pas pour les films d'animation. J'avoue que ça me dérange beaucoup moins aussi également parce que c'est pas. Ben, les jokes sont à peu près égales. Fait que... Actuellement, ce que j'allais dire aussi comme premier commentaire, c'est le dub, mon plus, m'a pas dérangé. Si tu considères que le dub québécois, finalement, c'est toujours très bien réussi. On peut au moins se donner une tape sur le dos pour ça, nous autres, les Québécois. Parce qu'on, nos doublages sont très bons. Effectivement, oui. On a... En effet, oui. Le doublage était très bon dans le film. J'ai vraiment aimé. Alors, le film Les Mondes de Ralph, c'est une réalisation de M. Rich Moore et qui a été créée par Walt Disney, qui est sorti dans les entours, quand est-ce qu'il est sorti? Le 2 novembre 2012. Tout d'abord, avant de commencer sur Les Mondes de Ralph, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter le petit film qui est apparu auparavant sur les avions papier. Je l'ai détesté. Tu l'as pas aimé? J'ai détesté, j'étais après faire des soupirs et à chaque séquence parce que c'était genre non. Moi j'ai bien aimé. Pas encore! Moi j'ai vraiment aimé. Pas encore ça! C'est prétentieux! C'est je m'excuse! Je m'a passé la belle tout le monde! C'est prétentieux ce bot-là! Pourquoi? Oui! Pourquoi? C'est prétentieux! Mais pourquoi? Parce que c'est du pseudo art qui ne l'est pas vraiment. C'est en noir et blanc. Fait que où on essaie d'être. C'est en noir et blanc. C'est muet. Ce qui fait d'enfant un hommage quand tu vas au cinéma voir un cartoon des années 60 où c'est que tu avais effectivement avant ton main event, tu avais un petit dessin animé comme ça. C'est ça l'affaire. C'est que oui, c'est cute, mais des affaires comme ça. Il y en a, Disney en a tellement fait, ça, c'est comme si on nous disait que depuis bientôt 70 ans, 80 ans, Disney ne change pas, il refuse de changer. Il y a manque de créativité, mais on nous fait à croire, on essaie de nous enfoncer dans nos gorges que c'est bon, parce que c'est bien dessiné. Je pense que Marie veut intervenir. Oui, je veux intervenir parce que moi, j'ai pas du tout le même avis que toi, Antithèse. OK, oui, c'est peut-être en noir et blanc. Oui, c'est peut-être muet. Mais moi, contrairement à toi, j'ai vraiment apprécié ce bout-là. Je trouve que c'était très différent des mondes de Ralph. OK, c'était complètement différent de l'animation, des couleurs, de tout ce que tu voudras. C'était complètement différent. Mais moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça très artistique. J'ai trouvé que ça donnait beaucoup... Ça faisait ressentir beaucoup d'émotions, veux pas aussi. C'est ce que j'ai apprécié. Je trouve que l'auteur, les créateurs de ce petit film-là, qui était très court, je pense qu'à peu près une dizaine de minutes maximum, ouais. Je trouve que vraiment, ils ont fait une super de belle job. Ça prend pas nécessairement des gros effets spéciaux ou des grosses couleurs pétantes pour faire une job qui a de l'allure, selon moi. Puis ça, c'était vraiment un très, très beau petit court-métrage, selon moi. Je suis vraiment désolé, mais c'est mon opinion. Je sais pas ce que j'essaie de dire. Le point est, c'est le fait qu'ils t'enfoncent ça dans la gorge. Ça s'impose tellement de lui-même. C'est ça que j'ai pas aimé. Ça s'est beaucoup imposé de lui-même. De quoi tu veux dire par s'imposer lui-même? Ouais, c'est ça, j'essaie de comprendre. Quand je pourrais vous dire ça. Vous savez que le gars, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans son bureau, il lance des... Il y a une vie plate, toute la patente. Puis là, par magie, ça va bien parce qu'il rencontre la fille. Ça s'est tellement déjà vu. Moi, puis... On peut pas changer autre chose? Ben en tout cas, je vais quand même laisser la chance à Rétro puis à moi aussi de parler, puis de Marilyn aussi de donner nos appréciations. Par rapport à ce film-là, je vais y aller avec Marilyn, vu que toi, tu étais sur ta lancée, donne-nous un peu tes appréciations là-dessus. Vas-y. Je vais peut-être me répéter, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Oui, ça peut-être pas. Sur le coup, j'ai été officiellement avec Big Ben, veux pas. C'est normal. Big Ben et moi, on s'attendait pas à voir ce petit film-là avant le film. Ça nous a surpris. Mais à la fin du visionnement, pour ma part, j'ai comme fait « Oh, quelle belle introduction à un film d'animation! » Oui, c'est d'apporter le point antithèse comme quoi ça pouvait comme reculer. Comment je pourrais expliquer ça? C'est lourd! J'ai juste trouvé ça lourd. Étrangement, pas moi. Moi, je l'ai pas. Non, t'as le droit de trouver ça lourd. C'est peut-être moi qui est pas assez en touche, mais pour avoir non seulement été au cinéma puis avoir vu des tonnes et des tonnes de films de ce genre-là, une manière de raconter une histoire, mais que ça peut pas que ça soit comme trop imposé. Ça, tu trouves pas que ça manquait un petit peu d'intrigue? Oui, il fallait que ça soit court, mais c'est juste en temps de 10 minutes, même en temps de 5 minutes, t'as le droit de décrire une même meilleure intrigue que ça. C'était peut-être pas ça le but, c'était peut-être juste peut-être que l'auteur a juste voulu que ça soit léger, que ça, justement que ça soit pas quelque chose avec une grosse intrigue de fou non plus, mais que moi personnellement j'ai vraiment trouvé ça bien, j'ai trouvé l'animation super belle, c'était super fluide, ça prend pas nécessairement de mots pour faire quelque chose de superbe selon moi, puis en tout cas c'est mon opinion à moi, puis sérieusement... Je trouve que s'il voudrait faire quelque chose du genre, oui, peut-être un petit peu plus allongé avec des couleurs, quoi que ce soit, ce serait peut-être une idée qui serait bonne pour un court-métrage peut-être un petit peu plus long que 10 minutes. S'il voudrait faire une histoire plus longue sur ces deux personnages-là que je trouve vraiment attachant en passant. Toi, Rétro, qu'est-ce que tu en penses de ce petit film-là? Pour moi, tout ce que Marilyn a dit, c'est pas mal ce que je pense en général. Puis surtout que je trouve que dans ça, l'essentiel du court-métrage, c'était de faire passer un message que pour atteindre notre objectif, faut jamais abandonner. Même si beaucoup de barrières et beaucoup de choses se mettent dans notre chemin, il faut jamais abandonner pour atteindre notre objectif. C'est ce qui m'a ressorti de ce court-métrage-là. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là également. Moi, je donnerais un petit plus supplémentaire à l'équipe de création parce qu'on voit un très bel... Là-dedans, on voit vraiment un hybride de l'animation 2D qui est très fluide, très beau, très stylisé, avec une petite touche de 3 dimensions juste pour certaines scènes où c'était vraiment nécessaire, comme par exemple lorsqu'il faut tourner rapidement la caméra ou vraiment démontrer le personnage à son entièreté. On voit le 3D là-dedans, mais sinon, ça donnait une très belle touche. Je pense que Disney voulait nous montrer avec ce petit court-métrage-là que, oui, ils font des bonhommes en 3 dimensions, mais ils n'ont pas lâché leurs 2 dimensions pour autant. Puis moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Puis ça m'a fait rappeler également les petits films de Pixar également. Ben, c'est fait entre autres par l'équipe de Pixar. Même Wreck-It Ralph, on revient tantôt. Mm-hmm. C'est entre autres fait par Pixar. Le Pixar, c'est John Lasseter. Non, ben c'est un des créateurs de Pixar, mais c'est pas le studio Pixar qui s'en est occupé. Non, je sais, mais c'est ça que je voulais dire. C'est le John Lasseter, qui est le créateur de Pixar, mm-hmm. a produit Wreck-It Ralph. Oui. C'est le producteur. Mm-hmm. Fait que... Et je pense qu'il y a aussi d'autres personnes de l'équipe de Pixar qui ont fait le film. Mm-hmm. Est-ce que ça, j'ai tort ou j'ai raison? Regarde, en ce moment... Je peux avoir tort. Je vais regarder rapidement, juste pour être sûr, sur la page Wikipédia. Je sais que c'est pas la meilleure source d'information, mais c'est celle qui est la plus... La plus rapide. Ouais. c'est plus qu'on fait un podcast live. Et je pense que Ben recherche, juste pour mettre une affaire claire, les films en noir et blanc, ça me dérange vraiment pas. La preuve, un de mes films préférés, c'est Nosferatu de Murnau en 1927. Puis pour rester dans le même contexte, des cartoons noir et blanc, j'ai aimé... quel cartoon? Bon, okay, désolé, il parle noir et blanc, mais parce que là, les noms m'échappent, mais mettons Fantasia. Oui. C'est excellent, Fantasia. Mm-hmm. Oui, c'est très bon. Excellent. Je suis capable d'apprécier, autant je suis capable d'apprécier ce que Disney fait, même si je suis comme un peu là-dessus, comme Seth MacFarlane. Pour moi, Disney, c'est le mal. Ben, il faut quand même apprécier. Il faut donner ce qu'il y a à donner à Disney. Ils sont capables de faire des très bons films pareils, même si c'est l'Empire du Mal. La personne qui a produit le film, c'est Clark Spencer. Fait que, je pense que c'est bien un des anciens de Pixar, si je me souviens. Je pense que oui aussi. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a fait des films comme Lilo et Stitch, Volt, Superino. C'est lui qui s'est occupé également de Réponse. Fait que, c'est quand même quelqu'un qui est habitué. Je sais pas qui que je pourrais lancer dans la meute pour faire la description du film. Je pense que je vais envoyer Marilyn qui a déjà des griffes acérées. Marilyn, c'est par ma faute, alors je m'excuse, Marilyn. Alors, c'est pas grave. Avant toute chose, on va faire une première partie de ce bout-là où on fera pas de spoiler. On va vous raconter un peu l'histoire au long, mais on va quand même décrire rapidement les personnages. Puis la deuxième partie de cette section-ci va contenir des spoilers. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, vous allez devoir stopper là pour pas qu'on vous gâche finalement le film. Alors, Marilyn, explique-nous un petit peu c'est quoi l'histoire de ce film-là. L'histoire des mondes de Ralph, ça commence avec Ralph qui est un méchant d'un jeu vidéo qui s'appelle... Oh, comment il s'appelle le nom du jeu vidéo? Fixed Philly Jr. C'est ça. Merci. Et il est tanné de toujours faire la même chose, puis que ce soit tout le temps le bon qui reçoive les récompenses alors que lui aussi est dans le jeu. Puis il se passe un événement dans ce jeu-là qui fait en sorte que Ralph décide de quitter son jeu. Puis ça, on le voit dans la bande-annonce déjà en partant. Il décide de quitter son jeu, puis de se promener de jeu en jeu pour, à la base, il veut une médaille pour devenir un héros, dans le fond. Mais finalement, au fil du temps, il se passe des événements, puis ça se passe pas pantoute comme il a planifié. Il se retrouve dans quelques jeux, dans deux jeux complètement différents de son jeu à lui. Puis il crée des événements qui font en sorte que il chamboule l'univers entier d'un des jeux en particulier. Alors. Tout en rencontrant des personnages et créant des liens d'amitié avec divers personnages. Je vais commencer avec d'abord l'appréciation générale du film. Je vais commencer avec Antithèse. Parle-nous un peu de ton appréciation du film en général, sans pour autant rentrer dans les détails. Ouais, c'est justement. Là, tu fais toi en pas. C'est entre mix puis bon. Peux-tu élaborer un petit peu? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Mix et bon. Il y a des bouts qui m'ont. Il y a des éléments de son histoire qui m'ont beaucoup dérangé personnellement. Autant que je crois que Wreck-It Ralph, c'est quand même un bon film. OK. Toi, Rétro, qu'est-ce que tu en penses en général de ce film-là? Moi, j'ai trouvé ça excellent. J'ai passé par toute la gamme des émotions possibles pour ce film-là. Autant du rire, de l'humour, autant de l'appréciation visuelle, autant au point de vue de... Mais en tout cas, sans vouloir raconter l'histoire, mais en disant que j'ai passé par toute la gamme d'émotions avec ce film-là, je pense que ça décrit pas mal le film. Je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi là-dessus, là, quand je parle de la gamme au complet. Là, il y a des moments qui sont vraiment, tu sais, le fun, c'est drôle, puis il y a des moments que c'est un petit peu plus, tu sais, c'est plus sérieux, c'est plus triste, puis tu sais, il y a toute la gamme au complet. Là, OK. Marilyn, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon divertissement. Comme a dit Retro Gamer, moi, j'ai beaucoup ri. Il y a eu des beaux moments de nostalgie par moment. Oui. Vraiment. Oui. Des beaux moments d'attachement pour ma part à certains personnages. d'ailleurs. Donc, je vais nommer plus tard parce que c'est prévu dans la suite du podcast. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Puis c'est un des films que je veux ajouter à ma collection Disney quand il va être en DVD, c'est sûr et certain. Moi également, j'ai adoré ce film-là. J'ai vraiment adoré le... C'est surtout d'abord, on a le sentiment de nostalgie, mais également, ouais. Je pense que les personnes qui sont même pas accrochées aux jeux vidéo, qui sont pas des fans comme nous autres, vont aimer ce genre de film-là parce que ils rentrent pas à fond dans le détail. T'sais, ils vont pas mettre des petites références à chacun des jeux. Ils se sentiront pas obligés. C'est vraiment assez souple pour que chaque personne qui a plus ou moins une culture générale en jeux vidéo puisse s'y reconnaître. C'est ça, c'est comme des Easter eggs. Ils sont là, mais ils sont pas essentiels pour que tu comprennes l'histoire. C'est pas parce que qu'ils soient là ou pas, c'est pour ça qu'il va faire que tu vas apprécier Wreck-It Ralph pour tout autant. Tout à fait. Alors, on. Mais ils sont le seul pour nous des connaisseurs. Oui. C'est juste ça. Alors, on va commencer. Cool. Oui, c'est ça, c'est vraiment cool. On va commencer avec d'abord l'animation en tant que telle. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je vais y aller avec Rétro, vu que toi, tu es graphiste de profession. Qu'est-ce que tu as pensé du graphique du film, finalement? Ben, moi, je trouvais que c'était très approprié pour la plupart des personnages qu'il y avait dans le jeu, surtout les personnages un petit peu plus rétro. Il y avait un bon mix pour essayer d'intégrer là, les affaires comme... Ben, je sais pas si je peux spoiler à ce moment-ci du podcast. Je dirais non, vas-y, général, au pire, on va se concentrer après pour surtout les cinq clés, mettons. Bon, ok, je vais dire avec les jeux plus modernes, il y avait un bon contraste pour intégrer ça, puis ça c'était assez fluide là, mm-hmm. comme visuel. C'était très approprié pour surtout le genre de jeu que Wreck-It Ralph représente. Là. Okay. Je pense que l'ambiance du film était, en tout cas, parfaite pour le style visuel. Là. Toi, tu t'aises? Là-dessus, je partage amplement l'avis de Rétro. C'est le concept d'animation est très, très, très sympathique. Comme j'ai bien aimé le temps que Rétro utilise soit approprié. Parce que ça va même jusqu'à la motion des personnages que t'es. Quand les personnages bougent, que t'es genre là. C'est un beau mélange entre le rétro et le nouveau. Marie-Lune? En fait, je partage l'avis de tout le monde. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est surtout les petits détails au niveau comment les personnages bougent selon le jeu, à quel point il est vieux ou récent. Puis c'est le fun de voir... je peux pas dire ça. Malheureusement, mais j'ai vraiment aimé tout ce qui est l'animation comme telle. C'était fluide, c'était dynamique, il y avait tellement de détails, c'est incroyable. Puis comme dit certains critiques, ça prend quasiment le DVD pour un moment donné, pour faire une image sur pause, pour vraiment spotter tous les petits détails qu'il y a dans l'image, parce que c'en est fou à quel point c'est pas fait ça de tout voir juste sur l'écran de cinéma, par exemple. Donc, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Je rejoins également tout le monde là-dessus. Je pense que c'est une très belle animation, l'animation 3D. C'est pas une animation qui est complexe comme on verrait chez, par exemple, chez des cartoons de Shrek, mais c'est une animation qui marche avec son monde, puis que c'est bien fait, puis chaque petit monde a vraiment sa définition personnelle, et ça paraît comme dans nos jeux ou dans les jeux modernes, vous voyez vraiment le gros contraste finalement. Parlons des jeux d'acteurs. Oui. Là, on va pouvoir se concentrer sur nos acteurs québécois. Oui. La plupart des podcasts sont concentrés sur l'américain, mais là, on va juger nos trois acteurs principaux ici, qui est Philippe Laprise, Benoît Brière, et la petite dernière, celle qui fait la voix de Vanellope, Catherine Brunet. Je voyais avec Antithèse, tiens. Je t'ai laissé y aller. Qu'est-ce que tu en penses des acteurs? Les acteurs sont actuellement... sont très bons. Sont très bons. Vous pointez que je vais sans gêne dire que juste par leur jeu d'acteur qu'on a au Québec, je suis fier d'être Québécois dans la mesure où c'est que on a des acteurs de qualité. Effectivement. Bruno Brunner est un acteur de qualité. Oui. Exemple. Mm-hmm. Je vais faire un peu avec les noms, malheureusement. Mais je dirais que le acteur, même les plus ceux qui ont des rôles mineurs, sont très crédibles et sont très bien performés. Ça, ça résumerait bien la pensée par rapport au jeu d'acteur dans le film Les Mondes de Ralph. Okay. Toi, Rétro, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je trouvais que le jeu d'acteur était pas pire, mais moi, je m'attarde pas vraiment à la performance des acteurs. Fait que je me fie pas à tel personnage et tel nom. Parce que, premièrement, moi, les acteurs québécois, j'en ai rien à foutre, là. Puis, je les connais pas. Fait qu'à part Benoît Brière, les autres, ils me disent absolument rien. Okay. Ben, t'as trouvé qu'il faisait la job, t'as pas t'as bon, cru au personnage. Bon, je trouvais que les voix étaient bien faites, puis que ça fitait avec les bouches, puis toute l'équipe, là. Mais demande-moi pas là, leur performance là, d'acteur là-dedans. Parce d'accord. Que... Toi, Marie-Lune? Quand tu as mentionné Catherine Brunet, j'ai fait « Premièrement, je l'ai pas reconnue du tout. Donc, c'est excellent pour elle parce que elle a fait sa job d'actrice... de doublage vraiment à fond parce que et j'ai voilà. pas connu du tout. Deuxièmement, moi je m'attendais à entendre Philippe Laprise. Moi je le connais quand même là, parce que j'écoute quand même Vrac TV un peu, je veux l'avouer. Et ouais. Je m'attendais vraiment à l'entendre et je l'ai pas entendu lui non plus. C'est la première fois que je l'entendais en doubleur et j'ai fait je le reconnais pas. Je reconnais pas le Philippe Laprise, l'humoriste que je connais. Ça m'a vraiment mis sur le cul, carrément. Benoît Brière, oui, je l'ai entendu beaucoup, mais il en fait beaucoup du doublage. Fait que ça, c'est je m'attendais. C'était lui, là. On savait que c'était lui pas mal, là. Puis, oui, il changeait sa voix par moment, mais c'est le seul que j'ai vraiment reconnu. Puis il est plus connu pour son doublage. Fait que ceux qui m'ont vraiment le plus impressionné, parce que je les ai pas reconnus la plupart du temps, c'est Philippe Laprise puis Catherine Brunet. C'est pas mal ça. Mais vraiment, j'ai vraiment apprécié le jeu des acteurs en rapport à leur voix et tout ça. Là. OK. Moi, je dirais aussi également un gros félicitations aux deux principaux, Philippe Laprise et Catherine Brunet. Les deux, je les ai vraiment trouvés bons. Je suis du même avis par rapport à Marie, par rapport à Benoît Brière. Oui, ça paraît que c'est lui. Il fait son effort comme il faut pour essayer de faire vraiment la grosse différence, mais on lui donne quand même une bonne note pareille pour son doublage, finalement. Par rapport à la bande-son, rapidement, est-ce que vous avez aimé les chansons qu'il y avait dedans? Oui. Ça va. Ça fitait. Oui. J'avais peur au début qu'ils me mettent à chanter, j'avoue. J'ai été très content. C'était pas le film approprié pour non, ça. Non, je pense pas que c'était un film qui était approprié pour ça. Mais... Disney l'aurait fait s'il avait pensé que c'était une bonne idée. Ouais, mais il aurait fait que ce soit un film qui était plus... Comédie musicale et tout ça, là. Ouais, mais tu sais, genre Roi Lion, puis... La Sirène. Des affaires de même. Aladdin, ouais, mais comme je le répète, c'est Disney. Ouais, il avait voulu le répéter. Je veux pas, à la base, c'est un film pour les petits gars, OK? Les petits gars, ça aime pas ça, les comédies musicales. C'est vrai. OK. Mais si leurs parents leur disent « ferme ta gueule et écoute », ben ils n'ont pas le choix. Sans doute, ils ne vont plus au film. j'avoue que c'était une de mes craintes, mais bon, la musique est quand même bonne. La toune, ça sera plus tard parce que c'est vrai, c'est un spoiler, je suis désolé. On va parler, vous allez devoir l'écouter plus tard si vous l'avez pas vu le film encore. C'est des très bonne musique. La bande sonore est en vente 7,99$. Donc, si jamais ça vous intéresse après avoir vu le film, ça vaut la peine. Je pense que ça résume le tout pour ce qui est du non-spoiler. Alors, si vous avez pas vu, en gros. Si vous avez pas vu le film, vous arrêtez le podcast genre là. Ou là. Sinon, Retro Gamer PQ va aller vous chercher et vous faire jouer à Terminator sur le SNES. Et vous allez être dans la marde! Puis, Marilyn vient vous chercher pour vous forcer à changer des couches pendant une heure. C'est encore moins pire. Attends. Qu'est-ce qui est pire? Jouer à Terminator ou changer des couches avec Marilyn? Pendant une heure, pendant qu'il y a des enfants qui ont la gastro. Je pensais que t'allais dire faire écouter Twilight. Ça, c'est pire que Terminator pis les couches. Je sais toujours pas c'est ce qui est pire entre Terminator pis toi pis pas toi là, mais changer les couches avec de bébé pendant un heure de temps qui ont la gastro. Je t'aimerais réfléchir, permettez-moi un instant. Bref, tout pour dire, cher Daco, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Non, right? Vous ne pouvez plus pas en tout. Là, on commence, on jase du film comme si on était autour d'une bière et on se laisse aller finalement. Là. Qu'est-ce qu'on a ouais. aimé du film? Là? Je vais laisser Rétro commencer. Après ça, ça va avec Marilyn, puis on va finir avec Artistaise. Qu'est-ce que tu as aimé plus Rétro dans ce film-là? Les références, c'est sûr que ça m'a touché bien raide. Là. J'ai bien aimé m'emmener quand Ralph il vole le... En tout cas, il est dans le petit vaisseau, ouais. là, puis là, il rentre dans la station qui est la Power Bar, finalement. Là. Ouais. Puis là, il fonce dans Sonic, puis là, Sonic, les rings, ils partent. C'était tellement drôle. Je l'ai spoté tout de suite. J'ai dit ça à ma mère, elle l'avait pas vu. Mais je l'ai spoté tout de suite parce que j'ai entendu le son des rings tomber à terre. Ça faisait vraiment le Sonic. En tout cas, ça m'a bien fait rire, cette partie-là. Une autre chose que j'ai bien aimé au point de vue, comme je disais tantôt, la gamme d'émotions, etc. Mm-hmm. Oui, c'était drôle. Les parties tristes m'ont vraiment cherché. Tu sais, comme... Quand que Ralph il se fait dire par le roi là, de comment s'appelle sa sucrerie. Il se fait dire là, pourquoi qu'il faut pas qu'elle course puis tout le cas, même si c'est un mensonge, mais tu peux pas, tu te sens fou, ah merde, tu sais, fuck. Puis là il brise le char de la petite, puis là t'es là, ah oh, tabarnak, tu vas chier. Ouais. Là. Ouais. Là t'as le mouton dans la gorge parce que là t'es triste pour la petite fille. Là. Elle a tout le temps été isolée, tout le temps mise de côté dans sa vie. Puis là, elle avait une chance pour une fois de faire quelque chose qu'elle aime, tu sais. Ouais, puis elle se fait démolir ça par un gros balourd de... Puis là, je me sentais vraiment cheap. Puis là, je me sentais, ah si, faut pas que je pleure, là, tu sais. Les hommes, ça pleure pas. Parce qu'il y avait une petite fille à côté de moi, tu sais, elle pleurait au bout. Mais j'étais un tabarnak. Est-ce qu'il y a une autre scène également que t'as aimé du film? J'ai bien trouvé drôle l'espèce de flirt entre Fixit machin. Là, comment Fixit, Félix. Félix, puis la fille de Hero of Duty. Là. Ça Hero fait Duty, tellement ouais. pas les deux ensemble, là, c'est débile. Cas, j'ai adoré sa scène parce qu'elle se remémore son mariage. Ouais. Son chum se fait bouffer, puis elle est comme non! Au gun en plein milieu du mariage. Elle sort le gun en plus entre les jambes. Tu sais pas où est-ce qu'elle l'a caché. Mais elle sort un petit gun de la mort pour tirer. Comme non. N'importe quoi. Ouais. Ça, c'était drôle. Oh, puis, ouais, ça, c'était le gros moment du film, je pense. Pour moi. Marie, toi, un moment que t'aimes le plus dans ce film-là, c'est quoi? Oh boy, il y a trop de moments. Il y a trop de moments, mais moi, c'est un personnage en particulier que j'aime. Je peux t'en parler présentement. Moi, j'ai adoré Vanellope. Vanellope fait partie d'un monde du jeu vidéo Sugar Rush, qui est un jeu très, très fifi, très, très bonbon, tout ça. Fait pas un peu, c'est un Mario Kart pour petite fille de 5 ans. Rappelle ton jeu que Giga t'a donné à Noël, non? Ah, oh, souvenir. À part que Sugar Rush a Sugar la même meilleure. C'est ça, exactement. Je veux qu'il existe pour vrai, juste pour faire une comparaison. Il existe. Il existe, je pense. Techniquement, il existe. Oui, ouais, ce site de Wreck-It Ralph de Disney, il y a le jeu de Sugar. Je pense que tu peux l'acheter aussi pour l'iPod. L'iPhone. Oui, prochainement, mais on va en parler tantôt. Oh. Moi, c'est vraiment Vanellope que j'adore parce que je me référence un peu à elle dans un sens. Parce que tout le monde, toutes les autres petites filles, la niaisent parce qu'elle a des bugs. C'est un personnage du jeu qui a des bugs. Puis c'est à cause de ça qu'elle peut pas concourir dans un sens. Mm-hmm. Puis c'est... Je trouve qu'elle a tellement de guts pour une petite fille. Je sais pas quel âge qu'elle a été configurée pour. Je pense à genre 8-9 ans à peu près. 8 ans, ouais, une affaire de même. Puis, en colline, que j'aurais aimé ça, avoir une amie comme elle quand j'étais petite. Elle a de l'attitude. Elle a de l'attitude. Elle a vraiment du guts. Puis, Oui. Ah, mais vraiment, c'est le genre d'enfant dans mon métier que j'aimerais avoir dans mon groupe. Oui. c'est des petits tannants, mais oui. Des petits tannants attachants. C'est ça que j'aime. En fait, je veux dire depuis tantôt, Marie, c'est-tu normal que Vanellope me fasse penser à toi? Ça se peut. J'ai vu le film, je me suis dit tout le long, Vanellope va devenir le nouveau personnage fétiche de Marie, check bien ça. Ben, vous allez rire, mais j'ai ma petite Vanellope à côté de moi sur mon bureau présentement. Ah, oh, oui. Lorsqu'on est allé chez Star City, ça appartient à Odéon. Puis, j'ai fait acheter à Marilyn le petit kit pour enfants avec le petit popcorn, le petit verre Wreck-It Ralph et la petite figurine de Vanellope. Si j'ai pas eu Vanellope par choix, je l'ai eu dans mon petit kit. Puis là, j'ai comme fait « Ah, OK, c'est la petite fille. C'est cool. » J'avais pas vu le film encore, fait que j'ai comme « OK, c'est cool. » Puis quand j'ai vu comment elle était, j'ai « Ah, oh, nice, je suis tellement contente de l'avoir, la star. » Puis là, elle est carrément dans la bibliothèque, puis elle fait partie des objets tout autant que Soft Kitty et Pac-Queen. Antithèse, toi, de ton côté, quel 5 que tu as aimé le plus du film? 5 que j'ai aimé le plus du film? Actuellement, c'est une arme de votre nom parce que il y a des bouts de la conclusion que j'ai aimé et des bouts de la conclusion que j'ai détesté. C'est pour dire que j'ai aimé des bouts de la conclusion. Que ma scène préférée, celle qui me remémore le plus, dans laquelle je retiens le plus, ben c'est la conclusion à la fin du film. Ok. Quand tout revient, entre guillemets, quand tout revient rentre dans l'ordre. Ok. Ok, moi je vais aller de mon côté à moi aussi. La scène que j'ai aimé le plus, je vous dirais, c'est les petites scènes clés. Souvent dans les passages entre les jeux. Donc, par exemple, lorsqu'ils décident de s'en aller du jeu de Pac-Man, parce qu'ils se réunissent tous chez le fantôme de Pac-Man pour... pour une soirée des alcooliques anonymes. Une soirée des méchants anonymes. Quand ils sortent, ils sont tous en deux bits, là, puis sortir dans le coin, là, c'est comme « Ah, je vais chercher une cerise. » Là, ils s'en vont chercher une grosse cerise, là. Puis il la donne à Q-Bert après. C'est plein de petits détails, mais c'est tellement le fun. Il y a comme une gare centrale entre les jeux. Ouais, qui en fait la power bar qui nie toutes les origines à clair. Oui, c'est ça. Non, c'est imaginatif, c'est bien ça. Puis c'est tellement drôle de voir. Puis c'est là qu'on veut vraiment faire pause, qu'on veut vraiment visionner parce qu'on voit vraiment tous les personnages. On voit Sonic, on voit des personnages de Mario. Les pseudos pour un Mario. Ouais. On voit. Comment il s'appelle, là? Ben moi, j'ai vu. T'as plein! Il y en a tellement, là. Il y a les Pac-Man. On voit Pac-Man à un moment donné. Hubert. Topper, oui. On voit Sonic pour la première fois sur un panneau d'affichage qui fait une annonce de faire attention quand vous traversez entre jeux, etc. Mm-hmm. Oui, c'est tellement le fun. Non, mais c'est bien. C'est une belle explication d'histoire, ça. Ben, au moins, ça permet de dire aux enfants, tu sais, s'ils peuvent mourir dans un jeu. Tu sais, si le personnage meurt dans le jeu, il meurt pour de vrai dans l'autre jeu, là. Ouais, c'est ça. Y a-tu des scènes que vous avez moins aimées? Je vais y aller avec rétro, mettons. Des scènes que j'ai moins aimées. Y a-tu quelque chose que t'as pas aimé dans le film? Non. Ok. J'avais l'impression que c'était gonflé. Yeah, écoute, je suis sûr qu'il y en a, mais je suis pas capable de t'énommer. Fait que. Je vais aller avec Marie. Je sais pas trop. Il y a chaque moment dans le film est tellement unique parce que, dans le fond, Ralph se retrouve d'un jeu comme un jeu de Super NES, dans le fond, à un jeu des années 2010. Il se retrouve dans un Call of Duty. Hero of Duty, d'ailleurs. Que c'est... ce que je trouve vraiment incroyable, mais il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas de mauvaise scène comme telle. Il y a tellement de petits moments. Tu fais « Ah, oh, c'est cool ça! Ah, oh, c'est cool ça! » Moi, je n'en ai pas spoté à date. Antithèse, toi? C'est toi qui étais le plus réticent. Ouais, ben... Une coupe, mais une coupe qui sont pardonnables, mais il y en a une que je ne peux pas pardonner, mais d'aucune façon. Autant j'ai dit que c'est la conclusion que avec Ralph, que pour préciser ce que je voulais dire tantôt, que j'ai bien aimé, qui c'est la scène qui m'a le plus retenu. Autant c'est qu'est-ce qui se passe avec le méchant, que j'ai pas aimé ça. Mais vraiment, vraiment pas. Parce qu'encore, le gros problème, mon gros problème face au film Wreck-It Ralph, c'est encore Disney qui s'impose avec leur moule. Leur moule de, ben, le gentil bon garçon et la fille vont se marier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Félix et Félix et le ultra gentil bon garçon, ils se marient. Remarquez, pour partager un peu les gars vos avis, parce que je suis d'accord également, il y a le fait qu'il y a une espèce de, une bonne blague du fait que, ben, Ralph, puis je pense que le nom de la fille, c'est Cannon, la femme même. Callan. Ils ne fitent pas ensemble, mais ils se marient pareil. Ça, c'est quand même une bonne joke, en quelque part. Mm-hmm. Oui. Et c'est, ben, joke dans le sens, c'est drôle de les voir ensemble. Mm-hmm. Ils sont opposés totalement. C'est ça qui est drôle. Ça me dérange du fait que ça fait partie du mot de Disney. Ça me dérange moins au point où c'est que derrière ça, il y a un humour très apprécié. Moi, c'est le fait, je vais le dire tout de suite, moi, c'est le fait qu'à la fin, le méchant meurt. C'est ça le problème avec les plusieurs films de Disney. Tu vois ça dans Blanche-Neige, tu vois ça même. Non, tu vois pas ça chez les rats, tu vois ça dans Blanche-Neige, tu vois ça dans Pinocchio, tu en vois ça dans plein de films de Disney. Aladdin. Faut que le méchant meure. Le méchant est méchant, ben faut qu'il meure. La mort. Ben, fini, oui, capote. Oui, il meurt pas vraiment. Il est plus décompilé que c'est ça. De toute façon, dans un sens, je pense qu'il aurait pas pu partir. Dans un... Il n'aurait pas pu faire une suite avec lui non plus, là. Moi, c'est de moi, si je garde ça dans l'image comme quoi qu'ils vont peut-être faire une suite. OK? Ils vont faire une c'est suite. C'est sûr, ils vont m'en parler tantôt, ils vont faire une ils vont sûrement faire une suite, mais moi, je le prendrais pas comme méchant, là. Non, il n'est pas obligé d'être pris comme méchant non plus, mais de comme je te dis, le moule de... Moi, c'est le moule que je critique, c'est le moule de Disney qui fait que faut que le méchant... Mort. Mais qu'est-ce que t'aurais fait avec ce personnage-là si t'aurais, je t'aurais laissé les reins du film? Un bannissement quelconque, je sais pas, une reconditionne le personnage d'une certaine manière. Ils ont fait ça dans plein d'autres films. Là. Qu'est-ce qui peut empêcher un méchant de voir ses propres erreurs puis d'évoluer pour être à son tour une bonne personne comme Ralph voulait l'être lui-même? Ralph, il était pas méchant, il était méchant bon. Mais il avait le rôle du méchant. Il avait un bon cœur, tandis que l'autre, c'est un evil qui veut vraiment être le dominateur, folie totale. Mais qu'est-ce qui empêche à ce personnage-là de mettre ça de reconnaître ses erreurs, puis ça a déjà vu dans d'autres films. Puis finalement. Bon, mais il changera jamais. Mais t'en vois plus marcher sur les rues que des. Ok, là, regarde, je vais t'arrêter tout de suite, ok? C'est ça. On va arrêter tout de suite parce que là, on va un peu trop loin dans la démarche. Non, mais c'est juste ça, un evil folie qui changera jamais. Tu peux pas rétablir quelqu'un qui est sur le bord de la folie. C'est ça. Je sais pas ça. Ben, en général, non. Un evil folie, tu peux pas changer ça. Tu peux pas le réintégrer. De toute façon, je pense pas que Disney avait des plans pour ce personnage-là après. Non, de toute façon. Tant qu'à ça, t'es mieux de l'éliminer, point. Ouais, tu l'élimines puis enlever tout d'autre. C'est ça. De toute façon, c'est pas un personnage humain, c'est un programme. C'est un sens. Ouais, puis s'ils veulent le ramener, ils peuvent toujours bien rassembler le code. C'est ça. Mais je pense que le code a été oublié depuis 30 ans, là. Ouais, mais si je veux dire, ça pourrait être des personnages d'un des jeux vidéo qui le fait, je sais pas. Ouais, ça se pourrait, tu sais. Ça se pourrait aussi. Il n'y a pas de limite à l'imagination, mais moi, personnellement, je vois rien de mal à tuer des méchants. Surtout ceux qui sont sur le bord de la folie. Parce que personnellement, lui, je ne voulais pas le revoir. Là. Puis au pire des pires, s'il y a un deuxième, sûrement, qui vont encoder un nouveau méchant qui sort d'un nouveau jeu, exemple, puis qui s'en vient, tu sais. Ça peut être juste ça aussi, la limite, qui va être encore peut-être même plus attachant que le premier méchant, on le sait pas. Mais ben, attachant plus que le premier méchant. Le vrai méchant du jeu... On l'a pas vu avant la fin, de toute façon. Exact. Oui, la révélation est excellente. Ça, c'est ça. Faut leur donner ça. Que sa sécurité soit en réalité turbo, ça, c'était fort. Oui, j'ai été surpris par ça, mais j'ai même pas eu de doute tout le long. Non, surtout qu'on parle quasiment pas de turbo. On fait une petite allusion de 2 minutes, puis c'est tout dans le film. Oui, c'est quand il explique c'est quoi... Faire un turbo. faire un turbo, tu sais. Parce que, bon, il en parle de temps en temps. Moi, je pensais qu'il parlait de turbo par rapport à Street Fighter. Je pensais qu'il allait dire comme, ah, il a fait un turbo parce qu'il a fait un Street Fighter 2 turbo. Moi, c'est ça que je pensais, c'est comme, ok, là, je comprends pas. Ouais, mais je comprenais pas trop, là. Fait que là, à un moment donné, il l'explique, bon, ok. C'est ça, j'ai fait comme, ah, ok, tu comprends. J'ai, même là, en l'expliquant, j'ai même pas eu de doute que ben, sa sucrerie était le gros méchant. Non, exactement. Il y avait aucun indice en tant que tel. Il m'énerve plus que d'autres choses. Mais je savais pas que c'était un pion, genre. Mais moi, je pensais que juste à temps qu'il commence à aller jouer dans le code où tu vois la manette de Nintendo. Là. Up, up, down, down, down, down, left, right. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que quand il est allé voir Ralph, il expliquait pourquoi qu'elle pouvait pas conquérir la chose. Je pensais que c'était vrai, moi. Puis qu'il fallait qu'il fasse tout pour pas qu'elle participe. Mm-hmm. Puis que Ralph, éventuellement, il allait devoir sauver le jeu ou je sais pas quoi, parce que conquérir ou je sais pas quoi. Puis là, ben, tu vois l'autre tweet qui s'en va changer le code parce qu'il veut être sûr qu'elle sera jamais là ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Puis là, tu le sais que c'est un méchant, mais tu te doutes jamais que c'est turbo. Là. Non, vraiment pas. Puis tu te doutes jamais jusqu'à la toute fin de la réelle identité de Vanellope. Ouais. Tu penses pas que Vanellope c'est une princesse, c'est... mais elle a du goth, pour venir à ce que disait Marilyn plus tôt, elle a du goth, paf, ouais, je suis une princesse, je m'en fous, moi, je vais me faire du fun dans un jeu, ça, c'est hot. Oui, effectivement. quelque chose que moi, m'avait peut-être agacé à la fin, c'était qu'elle gardait ses bugs, même si c'était revenu normal, ça, je trouvais ça bizarre, par exemple. Ouais, elle voulait les garder. Ouais, hein? Elle voulait les garder? Ah, ok, ça, je m'en étais pas rendu compte. Ben oui, elle voulait les garder, elle voulait les garder volontairement. Ah, ok. Parce que c'était elle. Qu'elle disait. Ouais. Elle était comme ça, puis elle voulait pas que personne la change. Ah, ok. Là, je viens de comprendre. Mais merci beaucoup de m'avoir éclairé. C'est un beau gars, tu dis. C'est un beau, ça, c'est un beau message d'être soi-même. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Il y a toujours des messages. Hein. Selon vous, pour ce qui est du futur de la série, parce que selon moi, ça va être une franchise qui va grossir, parce qu'en ce moment, là, je suis en train de checker les box-office. T'as pas encore rentré son argent, mais c'est ta veille. Ah, c'est ta veille, là. C'est, en ce moment, le film a coûté. Excusez-moi. Tu peux le dire. Moi, j'ai le prix devant moi, mais je me dis là, ok, je vais regarder rapidement. Désolé si ça prend un peu de temps. Je suis en train de checker. Je vais fermer ma page, j'en fais exprès. Sur un budget de 165 millions, ben, ils ont déjà fait 119 millions. Et là, on compte pas les ventes de DVD, les ventes Blu-ray, les ventes de produits dérivés. Je m'attends à ce que ça soit une franchise qui marche. Peut-être une franchise que Disney va peut-être vouloir réussir peut-être à remplacer Cars avec? Ou Toy Story? Moi, je pense... Quoi. Excuse, je vais te laisser parler. Qui parle? C'est rétro. Ok, c'est bon. On doit prendre des cartes bientôt. Des numéros. Est-ce que ça vous... il y a des personnes à qui j'ai parlé, puis je suis un peu d'accord avec eux autres, je deviens un peu d'accord. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu penser le monde, l'univers de Ralph ne fait pas un petit peu penser à, en quelque part, Toy Story? Oui. Tu sais, des êtres que l'on croit qui ont inanimés, qui finalement ont une vie... le commun des mortels a le dos tourné. Oui, effectivement. T'as pas pensé à Toy Story? Ouais, un petit peu. Moi, ça m'a fait penser aussi à Reboot. Ouais, j'avoue. Aussi à Reboot. Tu mélanges Reboot avec Toy Story, puis t'as Wreck-It. Mais est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'en même temps, Wreck-It Ralph, ça a son propre univers? Ben oui. Puis c'est un univers qui peut s'étendre n'importe où, là. Ils ne sont pas limités par les licences. Là. Si un moment donné Nintendo retire, ben c'est pas grave, eux autres vont aller en chercher une autre de la titre. Là. C'est ça. Non, mais ils peuvent inventer n'importe quel autre jeu. Selon la créativité des. Ben, c'est ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'univers limité. Je pense qu'il y a bien des séries dans le film, en tout cas, qui ont voulu donner facilement la licence. Regarde Q-Bert, je suis sûr que le gars qui a la licence de Q-Bert, prends-les, ça ne me dérange pas partout. Non, puis regarde, il y a eu un rôle majeur quand même, Q-Bert, sur certains points. Ben c'est ça, je m'attends à ce qu'il y ait une suite. Vous en pensez également qu'il va y avoir des suites? Je pense que ça va être une série TV. Ça a été annoncé qu'il arrêtait par avoir une suite. Ça a été annoncé quand? Sur YouTube, il y a une interview sur... attends, j'essaie de chercher la référence. Apparaît. OK, voilà. Sur le site de Gamer Hub Video sur YouTube, le 25 octobre 2012, Rich Moore, qui est le directeur, a dit que lui et Disney avaient des idées pour faire un sequel. Alors, c'est une affaire qui est sûre, c'est qu'il travaille. Puis là, ce que je dis, c'est « That would bring the characters up to date and explore online gaming and console gaming. » Fait que là, ce serait plus des arcades, ce serait également, c'est ce que je comprends du résumé, ce serait également, les ça consoles. Explorait le online, puis les consoles. Pas juste les arcades. Je sais pas comment ils pourraient faire vivre le monde en console puis en online. Ben, je sais pas, quelqu'un qui achète l'arcade de... pour sa collection personnelle, puis... Il se retrouve que la Power Bar est connectée avec l'ordinateur ou la console. Puis la Xbox, puis la Wii, puis tout ça. Oui, je pense que ce serait l'avenue qui serait peut-être à voir. C'est tellement logique dans ma tête. Là. Moi, je pensais peut-être à une suite par rapport où il essaierait peut-être d'éviter que l'arcade ferme, parce qu'on veut pas, on sait que les arcades ferment en ce moment. C'est très rare des arcades qui restent ouvertes. Il n'y en a plus d'arcade. C'est rendu dans le cinéma. Ça fait ben 20 ans qu'il n'y en a plus. Moi, Joliette, dans mon ancienne ville, il a fermé à peu près 4 ans de ça. Puis un vide parce que les midis, tous les jeunes allaient là pour aller jouer. Puis le soir même, c'était rempli. Là. Nous autres, la seule arcade qui reste au Guerrier Capital. Ok, ouais. Puis ça doit être tout petit. Non, c'est assez grand, mais c'est tous des jeux de char, puis des jeux de sport, puis des Dance Dance Revolution, puis des affaires de même. Parce que nous autres, à part la ronde, il y a juste à citer, moi, de mon souvenir, qu'il y en a. Il y a, c'est moi, la salle aussi, qui a une salle d'arcade, mais bon, c'est pas assez nervé. Non, hein. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que je voyais, c'est qu'il essaie peut-être de prévenir que la carte ferme, mais je sais pas, ce serait un avis à moi. Ce serait cliché, très cliché, mais ce serait pas une mauvaise idée parce que au moins ça a le compliment de faire du sens. Ouais, ça aurait du sens. Sinon, à part ça, on pourrait y aller avec vos souhaits pour la série. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir peut-être dans la suite? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme personnage peut-être? Moi, personnellement, je préfère ne pas attendre parce que j'aime ça être surpris. Qui voir pour, mettons, une suite? Vite en tête comme ça, je suis genre là. Comment? Non, même pas. Je suis genre là. Surprenez-moi. Juste surprenez-moi. Marie, qu'est-ce que tu aimerais voir, toi? Ce que je trouverais drôle, c'est que ce soit le gentil qui veut devenir un méchant dans le 2. Ça serait... Pourquoi? Je sais pas. Il voit que. Il y a tout ce qu'il veut dans la vie, lui. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être qu'il est écœuré de devoir aller sauver la princesse comme Mario à toutes les. Ouais, c'est deux ça. Minutes. Oh, je suis tanné de tout réparer, les petites blocs. Non, mais mets-toi dans la peau de Mario, là, OK? La crise de blonde, n'arrête pas de se faire kidnapper tout le temps par le calice de dragon de marde, OK? Puis là, t'es Mario. Puis là, tu dis, moi, je suis écœuré de faire ça. Est-ce que j'aimerais ça être le méchant puis montrer aux autres, est-ce que c'est quoi faire de la job, etc.? Écoute, quelque chose de pas exactement pareil de ce que tu viens de décrire, mais un peu dans le sens en même temps, je sais pas si tu as vu le petit cartoon, mais pas le cartoon, pardon, mais la petite BD où c'est que Mario est frustré du fait qu'il faut que lui, Luigi, ait encore sauvé la princesse. Puis la réalité, c'est parce que la princesse Peach a trompé Mario avec, dans le fond, celui qui est costumé en tant que Bowser. Je sais pas si t'avais déjà vu la BD. Oui, elle est sur le site. Elle est sur le site. Elle est sur le site des accros. Tu viens me faire toujours rire cette BD-là chaque fois que j'y pense. Désolé. Sinon, toi, Rétro, est-ce que t'aimerais voir quelque chose dans une suite éventuelle, un personnage ou une situation? Non, je suis comme antithèse là-dessus. Surprenez-moi. Okay. Je vois Samus, parce que t'as mentionné Samus. Mais ça va être des caméos, là, c'est pas... Ouais, c'est ça, tu sais. On veut pas que ce soit une histoire. Dans un sens, Kaloon, c'est un peu Samus, sans l'être vraiment. C'est un petit peu Samus, Kaloon. Ouais, mais elle a une grande trappe. Comment? Elle est capable de chialer, c'est une grande trappe. Mais Samus, elle est rendue jusqu'à broye. J'en parle à partir de ouais, demain, c'est... on va finir avec les notes. Sur une note de 10, vous donnez combien? Je vais commencer avec notre spécialiste des notes sur notre site, Rétro. C'est toi qui... 9. 9 sur 10? Ouais. Parfait. Antithèse, tu donnerais combien, toi? 7.5. Marie-Lune? Un gros 8.5. Et j'irai également avec un 8.5 également de mon côté. Fait que c'est donc un film à recommander. Oui, allez, quand même. Allez le voir au cinéma. Allez le voir. Pour que le box office monte et qu'il le voit comme quoi que l'engouement est là. Et sinon, ben, quand il va sortir en Blu-ray ou DVD, allez l'acheter. C'est un excellent choix. Ou on pourrait le faire tirer à nos auditeurs. On va regarder quand ça va sortir. Pourquoi pas? Une très bonne idée. Oui. Ouais, on va regarder ça quand ça va sortir. Ah, Rétro, c'est des génial. Mais où est-ce qu'il les prend? Mais là, on est rendu... Sur Internet. Ah bon? Un film, normalement, en DVD, ça prend à peu près entre 4 et 6 mois. Fait que dans les entours du mois de mai, on devrait l'avoir. Fait que... J'ai hâte. Oui, je pense qu'on a tous hâte. C'était un très bon film. Félicitations à l'équipe de Disney. Félicitations également aux doubleurs québécois d'avoir fait le film. Très, très bon job. Continuez de même. Alors, c'était le podcast des accros, le spécial Monde de Rage. J'espère que vous avez apprécié. On va commencer avec Rétro. Comment on peut te contacter sur Internet? Toujours de la même façon, sur ma page Facebook de RetroGamerPQ, sur mon channel YouTube de RetroGamerPQ et RetroGamerPQ sur le forum d'agrodesjeux.com. Antithèse, comment on peut te contacter, toi? Moi, à l'envers de mon partenaire, alias RetroGamer. Je vous invite à me contacter comme contacter les autres accros sur le forum. J'y suis au moins 3 fois par jour, sans compter qu'on peut me contacter personnellement sur antythese@yahoo.ca ou antithese@gmail.com. Si après me citer un site, on peut également contacter sur Blogspot, donc à antithese.blogspot.com. Et finalement, ben le Twitter, faut pas oublier le Twitter, @antithese_SAYS. Marie-Lune, comment on peut contacter sur les internets? Il y a beaucoup, beaucoup de façons, mais pour Accro des Jeux, je vais me concentrer sur Accro des Jeux parce que je fais assez de publicité pour mon autre channel, ça suffit là. On peut me rejoindre sur YouTube ou sur la chaîne Création ML, CREADIONSML. Sinon, on peut me rejoindre sur le forum d'Accro des Jeux, sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook d'Accro des Jeux et sur Twitter. À terrien.marieve. Et aussi, depuis très très récemment, j'ai Instagram qui est pour mes deux comptes. Donc, si vous voulez m'ajouter, je suis en un mot, c'est Vlog de Marie-Lune. Donc, si vous voulez me suivre là-dessus, je suis pas mal tout à là-dessus, je suis pas mal accro là-dessus. Là. C'est bon, ouais, non, ça. Vlog de Marie-Lune.instagram.com. Non, c'est juste Vlog de Marie-Lune tout court. Tu vas sur Instagram, tu vas chercher ça. Je te taquine, beauté, je te taquine. Ah, t'es trop gentil. Alors, pour me contacter sur les internets, oui. Vous pouvez passer par la page des accrodesjeux.com. Le forum, j'y suis à peu près 10 fois par jour, comparé à mon ami Antithèse qui va 3 fois. Je suis également sur Twitter, à accrodesjeux. Vous pouvez également me suivre... sur Gmail, accrodesjeux @gmail.com, c'est le compte officiel des accros des jeux. Je suis le gestionnaire qui s'en occupe. Sinon, pas ça, vous pouvez également me suivre sur ma page YouTube. Vous pouvez également me suivre sur le Facebook des accros des jeux. Normalement, moi et Giger, on s'occupe des updates d'images et tout ça. Et sinon, à part ça, les demandes de Facebook, je les reçois encore et je vous dis toujours non, je ne peux pas vous prendre. Mais si vous avez Gmail, au pire, rajoutez-moi dans vos cercles, j'y poste quasiment nullement, mais j'ai encore un Gmail à quelque part, un G+, qui permet de pouvoir jaser avec vous autres. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast des accros. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilyn. Pour le podcast des accros, l'édition du 12 novembre 2012. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine.